c'est terminé pour ce soir. C'est encore passé super vite. J'ai l'impression que je dis ça tous les soirs, Doc. Oui, c'est vrai, oui. Des semaines passent vite, surtout. Doc, l'émission ce soir, si je devais retenir un truc. Karima, c'est vraiment formidable. Et je te remercie, Doc. Bien sûr. C'est vrai. Et ça m'a marqué. Hein. D'ailleurs, non seulement ça m'a marqué, mais en plus, dans ton interview, tu as parlé de Michael. Exact, oui. Tu as fait de la pub pour Michael Nolimi. Oui, c'est très bien. Est-ce que tu as vu ça, Bien sûr, je l'ai vu. Merci d'ailleurs, Doc. C'est cool, c'est très gentil. Oui, tout à fait. Bah oui, attends, quand d'autres me parlent, soi-disant que eux, les libres antennes sont limites, attendez, nous, on a ça. Exactement. Il le fait très bien. Voilà, tout à fait. Et tout simplement. Et bah toi aussi tu es formidable, Michael. Mais je te remercie, oui, écoute. Formidable. Mais pas autant que votre doc. Ça oui, c'est vrai. Mais bon, de me cirer les c'est pompes, bien aussi. Hein. Tu non vois mais c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'il me dit à chaque fois qu'il me dit ouais ça le belge portugais qui est là. Non c'est toi qui me dis portugais, moi je t'appelle belge, t'as un peu l'accent belge. Mais, mais n'importe quoi le doc. Allez vas-y, j'ai l'accent et tout. Alors là il y a Tof et Polo qui sont en train de se moquer de Michael, c'est magnifique. On n'oserait pas, c'est le chef, on n'oserait pas. Bah oui, alors que Tof, lui, il est né chez les Flamands, c'est pour vous dire. Non mais c'est vrai qu'on sent petit accent belge. Mais si tu veux, je peux parler comme ça. Hein. On voit pas de quoi tu parles ici. Mais hein. Tu sais qu'on aime bien les Belges. Hein. Mais on les aime beaucoup, mais c'est moins sexy l'accent. Mais dis, j'espère bien. Dis, Karima, tu veux qu'on aille boire un verre? Pas avec cet accent, mais quand tu veux. Mais Michael, je ne comprends pas pourquoi tu te forces. Mais je ne sais pas. Mais écoute, je vais réfléchir. Hein. Écoute, il n'y a pas de problème. Hein. T'as vu, on peut gérer. Hein. Carrément. Bon, bah voilà. Bonne émission. Encore et tout, comme c'est mignon. Oh, bah alors. On est comme ça avec Karima. Mais oui, je vois ça. On fait tout ensemble. Bon bah allez, restez bien sur Fun puisque là vous avez fait Avicii, j'en ai aussi des albums d'Avicii aussi à vous offrir à tout à l'heure. Et puis GTA 5 bien sûr, Karel t'as déjà joué bien sûr que GTA 5 là. Bah, GTA 5 je l'ai depuis vendredi, ouais. Ah et vous avez vu, il a tout gardé pour lui cet enfant. Ouais, ouais, vous avez vu comment il est. Ouais. Ah ouais, ouais. Nous, on a dû aller braquer un camion sur l'autoroute. Exactement. Et ouais. Tu me diras si tu veux les jours d'avance. J'ai les bonnes adresses. Pas de problème, je prends bonne note. Oui. Bon, on va vous en offrir ce soir des GTA 5 là. Bon, bonne soirée, rencard demain à partir de 20h. À demain. Allez, ciao. Et puis là, on est une minute à la bourse. Pas grave, là, 23h, c'est parti. Michael, nos limites sur Fun. 23h, 2h. Michael. Comme ta gueule, les colards. Nos limites. Sur Fun Radio. Allez, c'est parti. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et ça y est, si vous arrivez dans l'émission là ce soir, hein, on est bien installé confortablement, nous, j'espère que vous aussi. 3h, c'est ce qu'on va passer ensemble ce soir. Moi c'est Mickaël, si vous ne connaissez pas encore, eh ben ça va venir, rassurez-vous, et j'espère que vous viendrez de plus en plus nombreux. Vous êtes dans Mickaël No Limit, c'est le nom de l'émission, on est là du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat, et le dimanche de 20h à minuit, voilà, pour passer à l'antenne, là, comme Hugo là qui est déjà avec nous là. Salut Hugo, comment ça va? Ah, salut, ça va? T'appelles pourquoi, dis-moi? Pour expliquer comment je me suis fait choper en maths l'année dernière pendant un contrôle. Parfait, on va en parler dans un instant, donc tu es un mauvais tricheur. Très bien. Et écoute, on va en parler, il y a pas de problème, t'inquiète, moi j'ai des bonnes anecdotes aussi à ce niveau-là. Bah si aussi vous voulez. Ah ouais, t'inquiète pas, oulala. Si vous voulez aussi parler de ça justement, est-ce que vous êtes un bon ou un mauvais tricheur ou est-ce que vous voulez parler d'autre chose? 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Alors évidemment, ça a fait la journée, ça a fait la soirée, GTA évidemment hein. GTA 5. T'as joué ou pas toi déjà Hugo? Ah non mais j'aimerais bien. Ah ouais, bah tu m'étonnes. On va vous l'offrir ce soir là, GTA 5 hein. Il y en a quelques-uns à vous offrir sur PS3 et sur Xbox 360. Si vous voulez les gagner là, vous allez faire un like maintenant sur Mickaël officiel sur la page Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Voilà, GTA 5 à gagner. Donc restez bien à l'écoute de Fun toute la soirée. Et puis si vous qui n'ont pas internet, vous pouvez aussi les gagner en envoyant votre SMS ce soir hein. Vous envoyez Mickaël au 64 900 ou Mickaël au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite bonne chance avec les GTA 5 qui sont à gagner. Bon, standard, vous avez Sandro également qui est là au taquet. Ouais, au taquet. Ça va bien? Ah, ça va super. Bon, parfait. Est-ce que notre coursier est là également en pleine forme avec mais la babillette? Bien sûr. Voilà. J'ai été gratter les GTA. C'est lui qui a été les chercher les GTA. Il a été au GTA Store et hop là, il a été prendre les GTA, c'est clair. Bon, et puis Polo va bien également là en pleine forme. Il est au top. Et alors attention, si vous avez GTA 5, vous allez voir que dans le jeu, il y a un moment, il y a un pipeau. Ouais. Bah c'est Polo qui joue, et bravo hein, putain t'as réussi à te mettre une place dans GTA 5, moi je trouve ça fort. J'ai le bras long. Ah ouais mais là c'est pipo qui est long. Si vous le trouvez dans GTA, ça fait des bonus de ouf. Ah bah ça fait des bonus, et en parlant de bonus, je vais vous mettre un mec qui a joué les 45 premières minutes de GTA là, je vais vous le mettre sur le Facebook, vous allez pouvoir voir pour ceux qui l'ont pas encore, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. N'est-ce pas Hugo qui a pas pu jouer encore là? Ouais bah j'irai faire un tour. Ah bah tu m'étonnes, voilà, facebook.com/Mickaël officiel, on va mettre ça d'ici quelques instants. Alors j'ai du son également, et attention ce soir il y a du lourd. Bon comme d'habitude allez me dire, mais ce soir encore plus. Alors hier, souvenez-vous, à 20h, je vous avais fait découvrir en exclu total le nouveau Britney Spears. Tu le kiffes ou pas toi Hugo, le nouveau Britney? Bah ouais, carrément. Ah bah carrément, Warp Beach. Bah, Sandro est déjà dessus. Ah j'adore. On vient de la tuer là. Et voilà, le nouveau Britney, je vous passerai également le nouveau son de Linkin Park. Excusez-moi, je suis un peu emballé. Linkin Park avec Steve Aoki. Voilà, pour ceux qui connaissent pas encore, je vous le mettrai tout à l'heure avec plaisir. Ce sera avant la fin de l'émission, rassurez-vous. On aura aussi Calvin Harris, hein, plus proche de nous. Alors, tu préfères quoi, toi, Hugo, là, Linkin Park ou Calvin Harris? Linkin Park. Ah, Linkin Park, très bien. Sinon, Tapo et Raya également, là. Quita tel top. Bah, comme ça, on en a pour tous les goûts ce soir. Et si vous voulez choisir vos sons également, comme d'hab, vous faites un petit hashtag, hashtag Mickaël sur le Twitter, évidemment. Et puis, bah, vous choisirez les sons. Vous mettez le son que vous voulez choisir, là. Et on vous le mettra tout à l'heure sans problème. Voilà, tout simplement. Hashtag Mickaël. On salue également tous ceux qui sont là ce soir. Il y a Lorraine qui dit, Mickaël, j'ai la crève. J'en peux plus. Tu peux me donner un coup de pelle à cette putain de crève, s'il te plaît. Bah, écoute, alors, attends, je vais essayer. Attends, allez, je sors l'appel, là. Voilà, j'espère que grâce à ça, la crève, elle est passée. Colin aussi qui dit dans les traditions de Mickaël No Limit, il y a le mobilette de Toff et une pipeau de polo. Oui, c'est un peu ça, hein, c'est un petit peu ça. Vous êtes trop fort, Mickaël, là, merci pour vos soirées. Bah, merci à vous d'être là, surtout. Il y a Jean qui dit, il y a moyen de gratter un GTA 5, là, je vous adore, continuer comme ça. Alors, attendez, je vais vous expliquer. Il faut pas, ça sert à rien de lécher les bottes ce soir, vous avez vu? Hein, pas la peine. Ça sert à rien. Ah non. Voilà, on va vous l'offrir sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Vous faites un like sur la photo de la pochette de GTA 5 que j'avais dans les mains là quand on a fait la photo. Et puis sinon, vous pouvez aussi par SMS, comme je le disais, vous envoyez Mickaël au 64 900 par SMS ou alors Mickaël au 6322 pour la Belgique et puis vous laissez vos coordonnées, voilà, tout simplement, et votre numéro de téléphone. Il y a Romain qui dit parfait, alors parfait le GTA 5. Bonsoir la team pour Colin. Salut à Colin. Salut à vous tous d'ailleurs. Salut Benjamin également qui dit c'est mon rêve. Et après Let's Be Flux qui dit après le nouveau Britney Spears, voici le nouveau Linkin Park, c'est parfait. Eh ben, ah ouais, écoute, grave, hein, franchement, grave. On est bien, là, hein. Ouais, plutôt pas mal. Mathias Kenny, Linkin Park, c'est du très lourd, Mika, merci, avec plaisir. Et Clem qui dit le pet pose caca est jouissif ce soir. Ouais, un peu comme d'habitude. Hein. Hugo ? Ouais. T'es en forme toi aujourd'hui ou pas ? Bah ouais, ça va. Attends, je vais te mettre un peu plus en forme encore. Attends, approche-toi. Attends. Ouais. Approche-toi encore un peu plus. Ouais, c'est bon. Toff ? Ouais. Voilà. Oh non, c'est dégueulasse. Non, bah attends. Ah, c'est sale, mais il fallait qu'il se mette bien. Bah maintenant ça pue. Dans la chambre à la Ferna, il y a tout le monde qui est senti là. Oh merde, bah très bien, tu vois, comme ça on en a fait profiter tout le monde. Quoi, il y a du monde dans la chambre à la Ferna là ? Non, on est quatre, mais ils écoutent la radio les trois autres. Parfait, bah tu les embrasses, comment ils s'appellent ? Gabriel, Brice et Louis. Très bien, et ils ont joué à GTA 5 eux ? Ah non, mais on aimerait bien. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Ah ouais, bah tu m'étonnes. En plus, j'aurai un PS3 à vous offrir tout à l'heure aussi. J'aurai des iPads à vous offrir et on va aussi vous offrir le jeu. Ah, Sandro s'est amusé de l'après-midi. Le jeu Godance, puisque c'est un jeu en fait où vous devez danser, vous apprenez à danser avec le son d'LMFAO entre autres. Et donc voilà, elle a kiffé. Donc on jouera évidemment tout à l'heure. J'aurai ça à vous offrir. Et on aura des places pour le concert de Macklemore et on aura aussi les albums de Avicii, les nouveaux albums d'Avicii à vous offrir tout à l'heure. Je sais pas si on aura le temps de tout mettre. Vous êtes gâtés quand même. Ah bah, je sais pas si on aura le temps de tout mettre, on va essayer en tout cas. Bon Hugo, alors toi t'es un mauvais tricheur. Ouais. Bon, ouais. Alors explique-nous en quoi t'es un mauvais tricheur là, qu'est-ce que t'as fait? Alors déjà ça s'est passé l'année dernière ou en quatrième, je sais plus trop. Ouais. Et c'était en maths, donc le prof est très très sévère et j'avais la flemme d'apprendre pour un contrôle. Et donc j'avais marqué des réponses sur ma trousse et en plus de ça j'avais marqué des insultes envers le prof. Ah, oh, c'est ouais, bien, bravo, ça c'est pas mal ça. Ah ouais, non, mais je l'aime pas, hein. C'est une tête de... Ouais, mais a priori, lui, il t'aime pas non plus. Hein. Eh ben, bravo. Ah, c'est un bon prof, hein, n'empêche. Ouais, ouais. Le public est au taquet. Ah. Bravo, ah, merci, pour cette... Ouais. En plus, il dit c'est un bon prof, mais je l'insultais, tu vois, trouver l'erreur. Ouais, non, mais en rentrant au lycée, on se rend compte que c'était un bon prof. Quoi. Ouais. Ah oui, là, une fois que tu l'as plus. C'est ça. Ouais. C'est souvent comme ça. Hein. Ouais, c'est souvent comme ça, ouais. Bon, et donc du coup, t'as eu quoi ? Eh ben, je me suis fait choper parce qu'il y a quelqu'un de la classe qui a demandé ce que c'était un cylindre. Ouais. Et ma trousse qui est en forme de cylindre, eh ben, il l'a pris comme exemple vu qu'il m'a mis au premier rang. Ah, c'est bon ça. Et voilà, donc bon, il a vu tout, hein. Ah bah ouais. Hein, tu m'étonnes. Ben, je vais raconter dans un instant là ce que j'ai pris aussi, parce que j'ai pris cher aussi. Hein. Quand j'étais à l'école, là, j'en ai fait des conneries en termes de triche. J'ai essayé plein de trucs. Il y en a qui marchaient pas. Tu sais, j'étais un peu un laboratoire. J'essayais. Toi aussi, il a essayé le 3 trucs. Oui. On va en parler dans un instant. Donc, j'ai une chanson, si vous voulez, on peut en parler. Bah, on va en parler dans un instant. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez débarquer là, si vous avez déjà triché, vous êtes fait gauler. Comment est-ce que vous avez fait pour tricher? Comment vous vous êtes fait gauler, surtout là, comme Hugo? 01 42 48 5000 02 851 4x0. Tu restes avec nous, Hugo? Ouais, ouais. Bon, il y en a Marie-Pierre avec nous là. Salut Marie-Pierre, comment ça va? Ça va. Bon, tant mieux, sois la bienvenue, Marie-Pierre. 24 ans, toi, t'appelles de Nice? Oui. T'as déjà fait de la triche, toi, Bahut? Non. Jamais, oui, toi, t'es une élève modèle, toi. Évidemment. Non, bah... Vous allez voir qu'on aura que des mecs ce soir pour le sujet. Pour toutes les meufs. Ouais, bah non, oui. Moi, je ne triche jamais. Je comprends pas, je suis une élève modèle. J'ai passé ma vie à tricher, moi. Bah oui, mais on est que des mecs, Sandro. Ouais, mais c'est pas pareil. Sandro, c'est moitié homme, moitié Ouais, j'ai triché aussi beaucoup. Ouais, voilà, bon, on en parlera dans un instant. Bon, Marie-Pierre, toi, t'étais là pour la colle. Oui. C'est ça. Alors la colle ce soir, vous allez pouvoir repartir comme hier avec soit la PS3, soit l'iPad. Tu vas pouvoir choisir. Et en plus, évidemment, on va te filer le nouveau jeu qui est sorti chez Sega. C'est le jeu GoDance qu'on vous offre toute la semaine. Tu vas pouvoir danser. T'aimes bien la danse ou pas? Oui. Bon, ça tombe plutôt bien, ça va t'apprendre à danser, tu vas voir, ça va être une tuerie, sans droit à tester. On aura l'occasion évidemment de tester aussi, on vous mettra la vidéo, vous allez voir, ça va être une tuerie, on va faire un battle entre Toff et Sandro. Ça va être énormissime. Ça va être énormissime. Bon, alors, Marie-Pierre, vas-y pour la colle, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous? Alors, qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous? J'aurais bien dit ma femme, mais j'en ai pas. Ça aurait pu, hein. Bravo, non, en même temps, vu la gueule des meufs de Toff, pas sûr encore. Ouais, non, c'est ça, ça peut marcher. Ouais. Bon, qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous? Oui. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, je vais vous mettre la colle dans un instant sur le Facebook. Vous pouvez aussi répondre par SMS, évidemment, en envoyant Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Donc, qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous? Un Becherel. Un Becherel? Non. Non, c'est pas ça. Et pour cette réponse, Sandro, tu prendras un coup de pelle dans la gueule. Aïe. Voilà. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Maintenant, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis, bah les autres, vous pouvez aussi aller sur le Facebook pour répondre. Vous pouvez faire les deux si vous voulez plus de chance. Hein. Vous allez sur le Facebook maintenant, facebook.com/Mickaël officiel. Je vous mets la colle dans un instant. On te reprend tout à l'heure, Marie-Pierre, d'accord? D'accord. Bon, bah bouge pas de là. Tiens, ça te branche ta peau éraillée dans un instant? Oui. Pas bien, tu pouvais dire non, hein, c'est pas un problème. Tapo et Raya avec. Ah bah très bien. Quid à tel top. Et puis je vous ai découvert aussi le nouveau Linkin Park qu'on vous mettra avant la fin d'émission. Restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Venez prendre le contrôle. On est là tous les soirs sur Fun Radio de 23h à 2h. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, les trollards. No Limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde à 23h13 en direct dans toute la France. Avec tous vos messages qui arrivent au 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Le 64 900 par SMS également. Débutez obligatoirement votre message par Mickaël, évidemment, hein, si vous voulez réagir à l'émission. Et puis je vous rappelle qu'on a le Top Tweetos également ce soir là. Ceux qui réagissent le plus à l'émission seront élus Top Tweetos. On fera les 5 premiers à la fin de l'émission. Et pour ce faire, c'est facile. Il suffit simplement de mettre un maximum de messages avec le hashtag MIKL. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans un instant, retour avec Hugo. Toujours là, Hugo? Ouais. Très bien. Hugo, donc, qui a insulté son prof via sa trousse qui était sur son bureau. Bref, on en parlera dans un instant. Et puis, dites-nous aussi si vous êtes de bons ou de mauvais tricheurs à l'école, justement. Venez nous en parler. 01 42 48 5000. Ou alors, par SMS, vous envoyez Mickaël au 64 900. Voilà, je compte sur vous. Balancez tous vos messages. Vous êtes ici, évidemment, chez vous. Et je vous offre aussi GTA 5 là, sur le Facebook. Là. Allez le choper hein, sur PS3 et sur Xbox. Vous allez simplement sur facebook.com/Mickaël officiel. Vous faites un like. Et on t'y ressort tout à l'heure. On écoute Tapo et Raya maintenant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Bienvenue. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec vous. Et Dieu sait que ça fait plaisir. 23h17 sur Fun. Là, on est tranquille ensemble. Il y a toujours GTA 5 à gagner sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/Mickaël officiel. Suffit de faire un like. Hein, comme Chris officiel qui dit j'ai fait un like sur la photo. J'espère gagner GTA 5. Croisons les doigts. Eh ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite, Chris. On va gérer ça tout à l'heure. Il y a Paul PC qui dit cet après-midi avec des voisins. On vous a imité. On appelle des gens être le top. top délire. Et bande d'enfoirés. Et donnez les numéros là plutôt que de le faire à notre place là, parce que l'autre du coup on peut pas entendre. Jen qui dit ouais, passe balancer Linkin Park là, je suis prête pour un orgasme auditif. Et alors Paul encore qui dit mais franchement vous m'épatez pour faire presque tous les jours de la semaine dans cette ambiance. Oui, nous sommes des surhommes. C'est vrai. C'est vrai, oui. nous sommes des surhommes. Mais surtout toi, Michael, c'est toi. Mais oui, c'est vrai, exactement. Toff, il marche uniquement grâce au paix. Oui. Voilà, c'est ça. Mais et je ne vais plus bien, je me pète dessus. Mais exactement, Polo, évidemment, c'est... Voilà, mais le principal, évidemment, c'est que Toff vient nous chercher tous les jours avec la mobilette. Mais... Voilà, ça c'est le principal, c'est le principal. T'aimerais bien, Hugo, toi, que Toff vienne un jour te chercher avec la mobilette. Ouais, s'il coupe le moteur. Bah oui, mais il va pas beaucoup avancer là pour le coup. Ouais, alors si tu pousses, moi je peux. Ah ouais, enfin notez que Toff en général il est plus souvent à côté de la mobilette en train de la pousser que dessus. Hein. Faut quand même le savoir, ça aussi. C'est vrai. Ça c'est parce qu'il a des petits problèmes au démarrage. Bah au démarrage et un peu partout au final. Hein, mais bon, on fera chérie, je peux te faire cocu aussi ce soir. Hein. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas. Vous envoyez simplement, vous appelez maintenant Sandro au standard 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Ah, j'espère qu'il va être lourd. Parce que pour l'instant, depuis le début qu'on a commencé le jeu là, depuis deux mois, dans une semaine, ça fera deux mois qu'on est sur Fun Radio. Depuis deux mois, on a eu que du lourd. Que du lourd. On a eu que du très très lourd. Ouais. Voilà. Donc je compte sur vous ce soir pour faire encore un truc exceptionnel. Voilà. Le chéri, je peux te faire cocu. Le principe est simple. Tu connais le principe, toi, Hugo? Ah ouais. Vas-y, explique-le pour voir. Ben en gros, tu dois appeler ta copine ou ton copain et lui demander. Si jamais tu peux le faire cocu pendant que t'es avec une copine en ce moment même. Exactement, tout à fait, tu as tout compris et nous jouerons donc d'ici quelques heures. T'as une meuf ou pas toi? Hein? T'as une copine ou pas? Ah non. Ah merde, on va pas pouvoir jouer. Ou un copain? Ah ben non plus. Non, bah je sais pas, après je demande, fais comme tu veux. Oui, un chat, mais c'est plus difficile avec un chat. Note, avec les chats tu peux apprendre aux enfants à marcher. Il y a la vidéo, je l'ai mise tout à l'heure, tu l'as vu toi ou pas Hugo? Ah non. T'as rien vu en fait, tu sers à rien quoi. Y'a pas internet dans ton internet. Il est occupé hein à faire ses sèches. Ah ouais, t'es sur mon portable donc c'est chaud. Ouais c'est ça, comme dit Sandro, t'es occupé à faire tes anti-sèches. Ah ouais aussi ouais. Bah ouais aussi ouais. Non en fait j'ai mis une vidéo tout à l'heure. J'ai mis une vidéo, allez la voir, c'est un chat, mais un gros matou hein, qui apprend un petit bébé à marcher en fait. Ah, c'est dire mignon. Qu'il a une espèce de petit comment on appelle ça un petit chariot quoi. Enfin, ouais, c'est pas un chariot mais un trotteur. Un trotteur, voilà, c'est ça. Et donc en fait le petit, il sait pas à quoi ça sert. Et donc du coup, t'as le chat qui se met deux pattes sur le trotteur, les deux pattes par terre et il marche. Puis après il s'arrête, le bébé fait pareil et puis il continue à lui montrer. C'est assez rigolo, allez voir. Et toutes les filles évidemment vont faire c'est trop cute. C'est mignon. Et les mecs vont se dire j'en ai rien à foutre, c'est où GTA là? C'est où qu'il faut liker pour avoir GTA? J'ai joué avec la petite voiture en bois, voilà, j'ai fait un GTA sur le truc, vous allez voir c'est mieux. Bon Hugo. Ouais. Bon voilà, tout ça pour dire que le chéri je peux te faire cocu va débarquer dans un instant et que nous allons continuer à parler avec toi donc puisque toi tu as insulté ton prof à cause de ta trousse. Donc tu l'as pas insulté ouvertement mais en gros tu lui as dit que tu t'avais écrit des trucs dans ta trousse et donc il y a un moment il a pris la trousse pour prendre un exemple parce qu'il voulait un truc un cône, c'est ça? Un cylindre et donc du coup il a lu tout ce que t'avais mis sur la gueule de ton prof et donc forcément il tire la gueule quoi. Normal. Bon, il y a aussi Anthony parce que du coup j'avais demandé est-ce que vous étiez bon ou mauvais tricheur. Alors Anthony, on t'écoute, bienvenue à toi. Ouais, salut. Ça va? Ouais, tranquille. Très bien, sois le bienvenu. Hein. Donc toi t'appelles de Nantes, toi le 44, c'est ça? Ouais. Parfait. Bon, alors, Anthony, qu'est-ce que t'es un bon ou t'es un mauvais tricheur? Très mauvais. C'est-à-dire, explique. Alors. Ouais, parce qu'on va voir le festival, on va voir que les tricheurs ce soir. Que alors. Les mauvais, c'est que les bouses. J'étais en SVT parce que moi j'aime pas trop les matières scientifiques et j'ai décidé de tricher parce qu'il y avait un contrôle. Mais t'as bien raison, moi je faisais pareil. Et j'ai mis une anti-sèche dans ma trousse et vu que je suis pas très bon tricheur, je faisais que de regarder et la prof était en train de me regarder. Et elle a vu que je regardais dans ma trousse, donc elle est passée me voir et elle a regardé dans ma trousse et elle a vu et je me suis fait choper. Elle a rien dit, elle a écrit note divisé par deux, elle a fouillé sur tout le monde et il y avait tous mes potes qui avaient des anti-sèches aussi. Attends, elle t'a mis la note divisée par deux? Ouais, ça va. Franchement, sur 4 sur 20, ça te fait 2 sur 20, ça change pas grand chose. Franchement, ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, mais c'est pas ça le pire, c'est qu'après tous mes potes se sont fait choper à cause de moi, quoi. Ah ouais, ça c'est moins cool par contre. Ouais, là, à mon avis, t'as dû te faire insulter là. T'as dû te faire démonter à la récré là. Oh là là là là, t'as dû te faire démonter. Ah ouais ouais, clairement, clairement. Il y a des messages, il y a le Messi de la vanne sur le Twitter qui dit moi je triche pas, j'ai déjà la flemme d'écrire, du coup je dors pas pendant les DS, mais je pourrais pas cette année, il y a le bac. Ah bah oui, le Messi de la vanne, ça c'est dommage. Et alors il y a Benjamin qui dit perso moi j'ai triché quand j'étais en première en contrôle économie, je me suis fait avoir au moment où l'on m'a passé les réponses sur une feuille. Alors que j'avais besoin que d'une réponse, du coup, eh ben le prof m'a dit tu prendras zéro au final, et j'ai dit bah vous allez prendre votre retraite, soyez cool, comptez-moi le contrôle et me collez pas s'il vous plaît. Au final il m'a noté et il a rien dit. Putain, t'as de la chance hein. Ah, voilà, putain, moi à la place du prof. Ah ouais, il y a Colin aussi sur Twitter qui dit j'ai réussi à tricher à tous les brevets blancs et DNB sans jamais me faire choper, mais chut. Oui bah de toute façon maintenant c'est fait hein, t'inquiète pas. Quentin qui dit c'est chaud de se faire griller en trichant. Il y a Let's Be Freaks qui dit tout le monde a déjà triché au moins une seule fois. Clem qui dit moi j'ai déjà triché plein de fois. Et puis Dame sur le Twitter qui dit en contrôle je me suis fait choper à tricher, c'était en anglais et comme un abruti je lisais mon livre espagnol. Ah oui, mais là comme t'as dit hein, comme un abruti, c'est donc il dit pas nous hein. Et Thibaut qui dit quand on triche on doit le faire bien. Bah oui oui, accessoirement c'est vrai, moi je l'avais fait un jour en fait, j'avais mis ça je l'avais raconté ça la semaine dernière, j'avais mis ça dans ma chemise, tu vois, une espèce de petit trou dans la manche. Ah oui, une chemise, c'est à deux boutons, j'avais tout mis là dessus donc t'avais l'astuce évidemment que quand tu levais le bras, toutes les antisèches tombaient dans le coude, donc tu vois, tu pouvais pas te faire griller. Ouais. Sauf qu'un jour, il y en a une qui est tombée. Ah. Et au lieu de me dire, bon, c'est pas grave, je vais mettre mon pied dessus. C'est pas grave, tant pis, il y a des réponses, bah, je pourrais pas avoir. Mais comme tu veux, c'est un peu comme quand tu voles des trucs, c'est tu voles un truc, ça marche. Puis tu te dis, bon, allez, pique un autre truc. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Et tu t'arrêtes plus. Et bah, c'est pareil, là, j'aurais pu avoir un petit 16 sur 20, mais pour avoir le 18, voire le 20, il fallait que je ramasse le papier qui était par terre. Aïe, aïe, aïe. Bah forcément, je me suis fait pécho. Zéro. Viré. Examen de maths en plus, ouais, examen final de l'année. Paf. Nous, on disait, quand on se faisait griller comme ça, on disait, mais non, madame, c'est juste, c'est un aide-mémoire. Ouais, un aide-mémoire, oui, c'est ça. Toi, tu les prends vraiment, tu les prenais vraiment pour des cons, toi. Toi aussi, on te dit, tu les prenais pour des cons, apparemment, hein. Oui. Ouais, on a bien vu ça. Et toi aussi, pareil, Hugo, hein. Ah bah ouais, hein. Ah ouais. Et je vous avais dit qu'on allait avoir que des mecs hein. Les meufs trichent pas. Ah non, si elles trichent les filles aussi hein. Bah les la preuve que non. Dans ma classe, c'est une fille qui triche. Elles ont pas de console à la maison. Ouais si ouais. Oh, hey, détrompe-toi, il y en a plein qui ont des consoles. Peut-être pas pour jouer à GTA ou à FIFA, mais. On a pas de console, mais on a du vernis à ongles, on a plein de choses. Hein. Y a le et puis il y a les jeux de dance. Godance, qu'on file où elles peuvent danser en même temps, les trucs Zumba sur la Wii, tout le bordel là. Ah non, ouais, mais c'est vrai. Génial, bah oui. Il y en a plein qui restent coincés là-dessus, effectivement. Bon, Hugo et Anthony, restez là les mecs. J'aimerais bien voir des filles là ce soir. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour venir nous en parler ce soir. Bon, et hier on y avait les teubés de la télé. Vous avez écouté hier soir l'émission Hugo et Anthony? Non. Mais t'as rien fait en Hugo quand même. T'es quand même exceptionnel hein. Eh hey, Hugo. Ouais. Tout ce que tu mérites. Voilà. Et un gros de lance-flamme sur tout l'internat. Les vacances, en fait, c'est tellement dur. Eh ben ouais, mais là, il fallait écouter. On était là de 20h à minuit, Hugo. T'as aucune excuse. Moi, j'écoute quoi? Deux fois par semaine, quand même. Mais c'est bien. C'est déjà bien, mais il faut mieux. Il faut mieux. Bon. Et donc, hier, on avait les teubés de la télé à minuit. Et on en avait, juste à la fin de l'émission. Et donc, du coup, on avait commencé à parler de vos piratos, là. Donc, venez nous les raconter ce soir, là, qu'on rigole un petit coup. Je suis sûr que Toff, il y a certainement des bonnes histoires à raconter. Autant que tu veux. À l'appel. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai à l'appel. Exactement. Non, mais moi, j'en ai pas. J'en ai une bonne aussi, en termes de râteau, là. Je m'en suis pris une ou deux, là, quand même. Pourtant, on dirait pas avec le physique que j'ai. Je comprends pas comment ça peut arriver. C'était une expérience, il a voulu tenter le râteau. Exactement, voilà. Ouais, en fait j'ai payé l'actrice pour qu'elle me mette un râteau. C'était l'Actor Studio et comme ça je vois ce que c'est. Non, je plaisante, hein, mais je m'en suis déjà pris. Donc on fait ça dans un instant, en plus ça ira bien avec le Siri, je peux te faire cocu qu'on va faire dans un instant. Hugo, tu t'es déjà pris une tôle toi? Enfin un râteau? Ouais. Alors c'était quoi? C'était il y a pas longtemps, mais je préfère garder ça. Mais t'as bien raison, tu vas nous le garder, on va le raconter dans un instant, d'accord? Ouais. Parfait, bouge pas de là Hugo, pareil Anthony, bouge pas, on aura Dylan aussi, t'es là Dylan? Oui. Bon parfait, bouge pas de là non plus Dylan, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu dans un instant. Tu vas nous parler des moments où tu t'es fait choper toi à l'école évidemment. Et puis on aura Marie-Pierre pour la colle ce soir. On fait ça dans un instant sur Fun Radio. Soyez les bienvenus, c'est Mickaël, No Limit. On est là de 23h à 2h toute la semaine. Et on revient après Calvin Harris. I need your love, I need your time. C'est Fun Radio et Calvin Harris à l'instant, c'était I Need Your Love sur Fun. Bon, avant minuit, ça y est, je vous fais péter le premier GTA 5 là sur PS3 ou sur Xbox 360. Vous allez pouvoir le jouer maintenant, enfin le gagner plutôt si vous voulez le gagner. À vous de jouer maintenant. Facebook.com/MIKL officiel. Vous faites un like sur la photo où il y a GTA 5, la pochette que j'ai en main là. Et donc vous pouvez aussi jouer si vous voulez par SMS. Vous envoyez simplement MIKL par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Voilà, deux numéros, un pour la France, un pour la Belgique. Donc vous envoyez MIKL au 64 900 ou MIKL au 63 22 pour gagner votre jeu GTA 5 ce soir ou par Facebook. Donc un facebook.com/MIKL officiel. Je vous souhaite bonne chance. Premier tirage avant minuit. On en refera un autre avant 1h et on en refera un autre avant 2h. Ça va? On est quand même bon prince. Bon, normalement, j'en avais qu'un seul à filer, mais on se démerdera. Donc voilà, je vous en filerai. On va aller en filer trois. On verra, c'est pas grave. T'inquiète, on embarquera un camion, c'est pas grave. Mais oui, voilà, c'est ça. Puis en plus, ça va aller. Normalement, ça devrait bien se passer, vous inquiétez pas. Bon, retour avec Blandine dans quelques instants qui voulait réagir par rapport à la triche. T'es là, Blandine? Oui. Oui, très bien. Salut, Blandine. Blandine va bien? Oui, j'ai la grippe. Oh merde, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux un coup de lance-flamme pour réchauffer? Ouvre la gorge. Attends, ouvre la gorge, je vais réparer. Ouvre la gorge. Vas-y. Fais ah. Continue. Non, je peux pas, y a ma mère qui est d'un côté. Mais ouais, non mais voilà, mais c'est très bien comme ça là maintenant. Tu vas beaucoup mieux là, non? Ça va, ouais. Tu trouves pas, tu vas mieux? Si, ça va, merci. Ah, il me semblait bien. Bon, alors. Mais t'as vu, nous sommes des docteurs. Oui, je suis chirurgien. Et Médite, je suis en direct là. Non, on est hors antenne là. On est hors antenne, mais on va te prendre dans un instant. T'inquiète pas là, on est encore en direct. Par contre, on va y aller. T'es prête là? Oui. Bon, bouge pas, t'es sûr que t'es prête, hein? Oui. Bon, ok, d'accord. Ok. Non mais ne stresse pas, tu vas voir, ça va bien se passer. On va passer à l'antenne tout ça, d'accord? On est des potes, on est une famille, voilà. On s'aime tous. Donc attention, on y va juste après le jingle, d'accord? D'accord. T'es sûr que t'es prête, hein? Tu vas parler de quoi? De la triche. De la triche? Non, alors la triche, ça va pas être intéressant, mais parle plutôt des chats, ouais. D'accord? Tu des parles chats des chats, des chats, t'as bien un chat? Oui. Bon. Bon, on va plutôt faire ça. Donc parle des chats, on va parler des chats, d'accord? C'est mieux pour l'audience. Des chats, on va parler des chats. Connards. Laisse faire, t'inquiète pas, tu parleras à Mickaël. Tu connais, tu l'écoutes de temps en temps. Mon copain est femme, en fait, je vais changer, c'est pour ça que je suis là. Ok, bah super. Bon voilà, donc tu vas lui parler. Donc t'inquiète pas. Bon, lui c'est un con, mais lui dis pas en revanche. D'accord? Non mais après tu vois, voilà, on se marre bien et tout à l'antenne, mais en fait c'est un vrai connard dans la vie. Donc dès que t'as l'antenne, tu fais ouais c'est génial et tout, tu vois, t'aimes bien quoi. D'accord? Okay. Et donc on parle des chats, je te fais confiance. Hein. Après, éventuellement, peut-être qu'il parlera aussi des cours, mais c'est pas sûr, d'accord? Bon, attention, on va y aller là. Ouais. Okay. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous avez encore fait les couilles longtemps, là? Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Bon, bah allez, hop, c'est parti, numéro de téléphone, là, 01-42-48-5000. Et le stagiaire, il va falloir qu'il arrête de prendre la même voix que moi. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se disent, ouais, il a la même voix que l'animateur. Donc il va falloir qu'il se calme directement. On va lui mettre une patate. Un stagiaire. Mais tu es mon maître, Mickaël. J'essaie de t'imiter, tu vois. Ouais, mais reste calme avec. C'est quoi cette tenue? Je l'ai même pas vu. Il va falloir qu'on mette une photo de la tenue. Parce que je vous explique là. Bon, et on a Blandine avec nous là. Bonsoir Blandine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bon, ça va, tranquille. On va parler de quoi avec toi? Alors, des chats et des cours, on m'a dit. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux dire à propos de ton chat? C'est une grosse feignasse. Elle dort tout le temps. Et puis elle est souvent en rue. Ah bon, mais putain, mais quoi? Mais comment ça se fait? Ah, mais tu la casserais, c'est pour ça? Tu peux pas castrer une chatte, c'est pas possible. Non, mais tu l'opères. Ça compense pas. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Mais tu as depuis combien de temps la chatte? Ça fait 6 ans maintenant. Ah d'accord. Et tu mens depuis combien de temps? Non, mais elle est où la chatte là? Ouais, c'est une grosse chatte ou pas? Elle est sur le lit? D'accord, ok. Ah ouais, non mais très bien, mais super intéressant le chat là. Et tu t'écoutes souvent l'émission ou pas? Oui, toutes les semaines, tous les soirs, super. Avec mon copain. Ah, et c'est lui qui t'a fait découvrir? Bah oui. Ah bah super, c'est cool. Non, mais franchement c'est bien, merci Blondine. Ouais, je voulais savoir je vous en prie. Ta chatte, tu la rases souvent ou pas? Ah non, jamais, par contre elle prend le bain. Mais c'est vrai. Les ongles roses. Mais il faut, exactement, il faut lui faire une petite manucure. Tout à fait. Bon, Blandine, bon, hormis ta chatte, elle s'appelle comment la chatte? Lily. Comment? Lily. Lily? Oui. Ah ouais, ah, c'est sympa Lily. Comme Lilou, mais juste Lily. Oui, oui, bah, comme Lilou au standard aussi. qui, oui, c'est vrai, effectivement. Bon, alors, dis-nous, Blandine, tu voulais parler aussi de la triche, toi, c'est ça? Comme Hugo qui était... Oui. Qui étaient deux mauvais tricheurs, n'est-ce pas les mecs? Ouais, ouais. Et bah non, il n'y a pas que les garçons qui trichent. Non, c'est vrai, mais par contre, il y a peut-être qu'eux qui se font griller. C'est quoi ton histoire, toi, Blandine? Alors, en fait, c'est parti tout à fait... c'était pas prévu du tout. Ouais. J'étais en français, j'avais une grosse dictée de 49 lignes à faire. Ouais. Et ma prof de français nous avait donné une fiche pour qu'on la lise avant de la faire. D'accord. Et avec ma collègue, on aurait dû avoir deux feuilles, mais en fait, on en a eu trois. Et ma prof de français, qui était déjà pas très jeune et ni très nette, nous en a donné trois et nous l'a laissé. Ouais. Sans faire gaffe. Du coup, je l'ai mise, enfin, je l'ai glissée à l'intérieur de mon classeur, qui mon classeur était transparent. Et du coup, une fois qu'elle a ramassé des fiches et qu'on a commencé la dictée, j'avais juste à appuyer sur mon classeur qui était bien transparent, mais vraiment très transparent. Et du coup, j'ai juste recopié la dictée sur la feuille, quoi. Et trois jours après, on a eu les notes 40 sur 40, top, aucune question, rien. Voilà. Mais attends, mais 40 sur 40, c'est trop. Mais oui, c'est trop ça, c'est trop. Non, mais c'est vrai. Non, non, c'était coefficient 2, du coup, ça a été mis dans le bulletin, nickel. Non, mais oui, mais c'est. Non, mais. Bah, elle est con, ta prof, hein, parce qu'il y a un moment, la meuf, elle branle rien de l'année, puis. 40 waouh, c'est ça. Mais oui, parce que c'était pour le brevet blanc, donc. En plus, voilà. Donc ça servait à rien, quoi. Bah oui. Bah oui, c'est quand même mis pour les notes d'appréciation pour le socle. Ouais. Donc, mais au moins, t'as réussi, Blandine, hein. Pas comme voilà, vous, Hugo exactement. Et Anthony, là. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Hein, vous n'avez pas été mauvais, vous avez été très mauvais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, attends, il y a Léa également qui est avec nous, là, des Bouches-du-Rhône. Salut Léa. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Salut Léa. Bah, bienvenue à toi, Léa. Alors, toi, t'as appel de Marseille, toi, les Bouches-du-Rhône. Donc, qu'est-ce qui t'amène, Léa? Tu voulais parler de la triche? Ouais, c'est ça. Alors, dis-nous. Bah, moi, en fait, je suis pas super discrète. Donc, je fais vraiment des énormes entichets, genre sur mes bras et tout. Mmh. Et je me suis jamais fait prendre ou quoi, donc... Bah sinon, faut faire la prison break, tu sais, tu te mets le tatouage complet là sur le corps. Et, non mais c'est ouais, vrai voilà. T'imagines. Et... Tu floques le pull du mec qui est assis devant toi. Ah ouais, pas mal, ouais. Tu floques les réponses ouais. Sur son dos. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas con, c'est une idée, ouais. Et donc Léa, t'as fait quoi, toi? Donc t'as écrit sur ton corps, ouais. Bah ouais, voilà, par exemple, tout à l'heure, j'avais une interro, j'ai écrit vraiment sur tout mon bras, j'avais... Mais ça ouais, se voit quand même, il y a un moment, ça se voit, non? Non, même ah, pas. Ça se voit pas. J'ai froid, il capte rien, mais dès que je vois qu'il me regarde trop ou quoi, je mets une veste ou quoi, mais... J'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud. Ouais, voilà. Je sais pas ce qui m'arrive. La meuf relou, quoi. Non, mais bah écoute, non, mais c'est bien tant que ça marche. Vous avez vu quand même, là, pour l'instant, il y a 100% des filles qui ont réussi, 100% des mecs qui ont raté quand même, hein, au standard. Hein. Ah ouais, non, mais ils rigolent, Hugo et Anthony, mais vous avez raté. Ouais, vous êtes... ouais. J'ai déjà réussi de temps en temps. Ouais, ouais, je dis pas le contraire, mais en termes de triche, vous n'êtes pas les meilleurs, quoi, c'est ça que je voulais dire. Bon, dites-nous les autres, là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, si vous voulez venir nous parler de vos pires triches, comment est-ce que vous êtes fait griller de manière la plus stupide du monde, venez nous en parler, on parlera des piratos également ce soir, vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur le Facebook de l'émission, facebook.com/michaelofficiel. Merci Léa, merci Blandine, je te fais des bisous. De rien. Enfin, je vous fais les bisous. Bonne soirée. À bientôt, bisous. Les filles. Salut à vous. Bye bye. Anthony, merci à toi d'être passé également. Tu reviens quand tu veux. Ok, merci. Je peux juste passer une dédicace. Allez, vas-y, Anthony. Il y a une personne. Hein. Tu connais la règle. Ah bon, une personne. Ah oui, il faut choisir la bonne. Attention, Anthony. Ah oui. Il va falloir choisir parce qu'après les autres vont t'en vouloir. Hein. Donc, vas-y, vas-y. Dédicace à ma maman. Oh, allez, tu peux faire une deuxième. Ah, il sait plus maintenant. Putain. Ça l'avait bien aidé en fait de dire à sa mère, comme ça était tranquille, maintenant je l'ai bien mis dans la merde avec la deuxième personne. Dédicace. Ah si t'as personne, c'est pas grave. À Florentin. D'accord, ah bah tous les autres vont t'insulter, c'est parfait. Je t'aime Florentin. Bah voilà, écoute, oh, très bien. Mignon. Très bien Anthony. Passe une bonne soirée et à l'écoute de Fun Radio, tu reviens quand tu veux, n'oublie pas. Merci. N'oublie pas dans tout le bahut de faire la promo, hein, qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio et le dimanche 20h minuit, ok? Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça marche. Salut Anthony. Salut, merci. À bientôt, ciao à toi. Et puis bah Hugo, reste avec nous puisqu'apparemment t'avais une histoire à nous raconter de ton pirato là. Ah ouais, un râteau que j'ai pris il y a pas longtemps. T'inquiète, tu vas nous en parler dans un instant, Hugo. Bouge pas de là. On aura aussi le gagnant ou la gagnante pour GTA 5. Et là, tu vas voir, on va tirer au sort une fille. Les mecs vont être vénères. Ah, ça, c'est bon ça. Oh, quelle colasse alors. Elle connaît rien en plus. Elle bon, voilà. Voilà, si vous voulez gagner GTA 5, on va vous l'offrir dans un instant. À vous de jouer maintenant. Vous venez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Et puis, on vous offre aussi ça sur les SMS. Hein, si vous voulez, si vous n'avez pas internet, vous tapez simplement MIKL. Vous envoyez votre message au 64 900 ou 63-22 pour la Belgique si vous voulez gagner votre jeu GTA 5. Tirage au sort dans moins de 20 minutes. Le premier tirage au sort de la soirée sera avant minuit, donc restez bien sur Fun Radio. On va reprendre aussi Marie-Pierre pour la colle là dans un instant. On donnera la réponse avant minuit 30 et puis on est là en direct sur Fun Radio avec dans un instant un son que je vous ai fait découvrir hier sur Fun Radio, le nouveau Britney Spears sur Fun Radio que vous avez découvert en exclu, c'était hier soir 20h dans Mickaël No Limit, hein, puisqu'on est là le dimanche soir aussi. Work Beach, ce sera dans un instant sur Fun. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est ensemble jusqu'à 2h du mat sur Fun. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, la 23h, 2h du mat sur Fun Radio. Il y a plus de pub maintenant, on est tranquille jusqu'à 2h du mat là. C'est même la nuit sans pub. Il y a plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno tout à l'heure dans Bruno dans la radio sur Fun Radio. Il y a plein de messages qui arrivent aussi pour GTA 5. Alors attention, avant minuit, dernière ligne droite donc pour choper votre jeu GTA 5 qui sort là. Si vous voulez le choper avant tout le monde, eh ben, à vous de jouer. Hein. Vous envoyez simplement maintenant, vous faites un like sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous allez faire un like là où je pose. Enfin, on voit juste mon doigt, mais bon, là où il y a la pochette du jeu GTA 5, vous faites un like dessus, on fera un tirage au sort parmi les likers et ceux qui partagent. Tirage au sort dans moins de 15 minutes sur Fun Radio. Allez-y, maniez-vous. Et puis ça marche également sur les SMS. Si vous voulez choper votre jeu GTA 5, vous envoyez MIKL tout simplement au 64-900 par SMS, tout simplement. Vous laissez votre numéro de téléphone également hein, pour qu'on puisse vous rappeler dans moins d'un quart d'heure. On rejouera également à 1h du mat et à 2h du mat pour ceux qui n'ont pas la chance d'être tirés au sort là tout de suite. Donc bonne chance pour gagner GTA 5. Maintenant sur Fun Radio. Allez, bonne chance tout le monde. Donc 23h46, on est en direct jusqu'à 2h du mat. Et attention, vous l'avez découvert hier soir en exclu sur Fun Radio. C'était à 20h le premier passage. C'est même chez Miko l'après-midi. Britney Spears qu'on écoute tout de suite. C'est Work Beach sur Fun Radio. Bienvenue. Je vous avais dit que c'était du lourd, le nouveau Britney Spears à l'instant sur Fun. Il y a Der Winder, c'est Romain sur le Twitter, c'est à nouveau ça il me semble. Salut Romain, qui dit nouveau Britney, c'est vraiment trop bien, il y aura moyen de le passer avant 2h s'il te plaît. Tu veux vraiment qu'on le repasse avant 2h? Bah on peut pas, il peut pas me répondre place, forcément. Mais oui, on le remettra. Il y a Benji Spears aussi qui Yosh kiffe le nouveau Mickaël avec Work Beach. Il y a un message aussi qui dit de Climb. Moi j'aime bien aussi le nouveau son de Britney. Et trop cool la nouvelle de Britney. C'est Chris Officiel sur le Twitter qui dit qui avait balancé ça. Et Climb qui dit sans pub, y'a que sur Fun, c'est le top ça quand même. Ouais, on est tranquille là jusqu'à la fin de l'émission. Hop! Pépère, plus de pub. Et puis je vous rappelle également que tout à l'heure, alors ça c'est mon petit kiff à moi, on se mettra le nouveau son de Linkin Park. Le nouveau son de Linkin Park, on mettra tout à l'heure avec Steve Aoki. Voilà, il passera tout à l'heure hein, sur Fun Radio, donc restez bien là. Et puis, si vous avez envie d'écouter un son en particulier, hein, là aussi, vous n'hésitez pas, évidemment. Vous faites votre demande. Voilà, vous mettez le hashtag Mickaël, tout simplement, sur le Twitter. On en parle, évidemment, tout à l'heure, avec plaisir. Le chéri, je peux te faire cocu. Bon, on va le faire maintenant, parce que sinon, on va être en retard. Hein. Chéri, je peux te faire cocu. T'as un peu de temps, Hugo, là, devant toi, là. Ouais. Allez, ah oui, non, mais d'accord. Non, mais t'inquiète, on va te reprendre d'ici 10 petites minutes, là. Bouge pas, hein. T'inquiète pas. Bon, bah, parfait. Alors, on aura aussi les teubés, là, tout à l'heure, les teubés de la télé. Ce sera à minuit. Et le gagnant, GTA également. Eh ben oui, GTA 5. Ouais. Dans une dizaine de minutes, maintenant, on va vous offrir votre jeu GTA 5 sur Fun Radio. Pour le gagner, facebook.com/MIKL officiel. On va refaire un tour aussi, là, vite fait, avec Marie-Pierre maintenant. Marie-Pierre. Oui. Oui. Marie-Pierre, donc, de la Côte d'Azur, de Nice, pour être précis. Oui. Le soleil brille à Nice. Oui, ça va. Oui, bah ça va, bah oui, forcément, hein, encore heureux. Bon, tu étais là pour la colle de ce soir. La colle, c'est laquelle, dis-moi? Qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous? Qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous? Il y a Kevin qui proposait ma bite mérite m'appartient et les filles s'en servent plus que moi. C'est ça ou pas? Non. Ah, c'est con, mais ça aurait été drôle. Ah, c'est bien, Kevin. T'as perdu, mais tu les as au moins fait marrer. David qui dit le numéro de téléphone ou la cigarette? Non plus. Non, il y a Joe qui dit les toilettes. Non plus. Non, Marvin qui dit l'adresse mail. Ah, ouais, pas con. Non? Oui, mais non, c'est pas ça. Bon, il y a Brian qui proposait des béquilles. Non plus. Non, Chris qui dit la gentillesse. Non, elles sont très loin. Bon, Zeina, la parole. Non plus. Oh merde, oh là là. Bon bah tant pis, hein. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer pour gagner votre iPad ou votre PS3 et bien sûr le tout nouveau jeu Godens qui est sorti avec Sega, qu'on vous offre donc toute la semaine sur Fun Radio si vous voulez gagner ça. C'est vous qui choisissez, hein. Donc le jeu Godens, vous l'avez d'office et en plus de ça, vous repartirez soit avec l'iPad, soit avec la PS3. Tu prendrais quoi toi, Marie-Pierre? La PS3. La PS3, très bien. Eh ben écoute, on va voir ça dans un instant. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. facebook.com/mikaelofficiel. J'ai remis la question, la colle de ce soir sur le Facebook. Et vous pouvez aussi jouer, bien sûr, via le SMS. Si vous n'avez pas d'internet là sous la main ce soir, vous envoyez Mikael et la réponse au 64 900 ou Mikael et la réponse au 63 22 pour la Belgique. Marie-Pierre, on te récupère tout à l'heure, d'accord? D'accord. Parfait. Allez, c'est parti, chérie, je peux te faire cocu maintenant. Et c'est Gaël qui est avec nous là. Salut Gaël, t'appelles pour quoi alors? Bonsoir, j'appelle pour piéger mon copain, pour lui faire croire que je vais le tromper en fait. Parfait, le chérie, je peux te faire cocu. Magnifique, tu as choisi la bonne radio, Gaël. Le principe est donc simple pour ceux qui viennent de débarquer. Le chérie, je peux te faire cocu, donc en l'occurrence on a Gaël qui va donc appeler son mec pour lui faire croire qu'effectivement, non pas qu'elle l'a trompé, mais qu'elle souhaiterait le faire. Voilà, donc en gros, comme si par exemple on s'était rencontré en boîte ou dans un bar et que je t'avais dit bah tiens vas-y on se dirait pas qu'on se termine dans une petite chambre d'hôtel et que toi évidemment comme t'es une fille bien bah t'es d'accord mais tu veux quand même demander l'autorisation à ton mec, c'est quand même tout à ton honneur. Oui et puis ce qui est la moindre des choses en fait. Voilà c'est ça, ce qui est le minimum syndical on peut dire ça comme ça. Combien de fois tu l'as déjà trompé dis-moi Gaëlle? J'ai jamais trompé. Et en vrai? Non plus. Non, vas-y, je pousse sur un bouton et il t'entendra pas si jamais. Donc en vrai, combien de fois? Une fois, deux fois? Non. Trois fois? Fais-nous un clin d'œil. Quatre fois? Ouais, voilà, fais-moi un clin d'œil pour voir. D'accord, ok, j'ai compris, ne t'inquiète pas. Bon, ah ouais, et... quand même. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu appelles tromper? Est-ce que pour toi, sucer, c'est tromper? Non. Non, bah ça m'étonne pas que Polo dise ça, évidemment. Quoi que moi, je suis d'accord avec Polo. Ça ne m'étonne pas non plus. Bon, et il est du style à s'énerver rapidement ou pas? Ouais. Parfait, ouais. J'adore. Bon, et t'es avec lui depuis combien de temps? Ça va faire 8 mois là. 8 mois. Tu ressembles à quoi physiquement, que je sais au cas où? Petite, brune. Ouais. Et voilà. Et petite, au niveau des boobs. Bon, quel tour de poitrine à peu près? Parlant. Je vais prendre les choses en main. D'accord. Parce que okay. Je vois que vous avez galéré un peu les gars. Ouais, c'est ça. Bon alors Gaël, combien l'habitude. Mesures-tu? Ça, c'est... Non mais en combien tu fais, combien en centimètres? Non mais tu peux nous dire Gaël, t'inquiète, on va pas venir chez toi hein. T'inquiète pas. Bon allez, je vais dire 80. 1m80? Ah non, tour de poitrine tu veux dire? Oui. D'accord, non. Ok. D'accord, mais moi je parlais de ta taille en centimètres. Ah ma taille en centimètres, oui. Désolé. 1m54. D'accord, quel est ton poids? Mon poids, 42 kilos. Ça d'accord, va. Ton tour de poitrine, donc 80. Et on peut ouais, dire ouais. B ou C? B. B. Et okay. La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. 32. Ah ouais, ah oui, 32, oui, il faut manger maintenant, non, hein, Gaël. Elle a un bon petit cul, là, tu l'as bien en main. Là. Ouais, il faut manger. Bon, allez, on y va, c'est parti. Moi, je m'appelle Michel, évidemment. Donc, tu as rencontré Michel, vendeur chez Tam Lingerie, d'accord? Ok. Comment il s'appelle ton mec, lui? Steven. Steven, d'accord. Allô? Oui, mon cœur. Ouais. Ça va? Tu m'expliques pourquoi t'as un numéro privé? Parce que, je sais pas, c'est le fixe qui doit les connaître. Oui. Putain. Non, ça se passe bien, je pense qu'on va se marrer, là. Ouais. Ouais. Ça a pas l'air. Ouais. En fait... J'aurais préféré rester à la maison, sérieusement. En fait, je t'appelais parce que, tu sais, j'ai été avec les filles à Bordeaux. Ouais. Faire les boutiques. Oui. Et en fait, je suis partie donc, tu sais, à mon magasin de lingerie là. Ouais. Et j'ai rencontré donc le vendeur. Et pardon? Le vendeur, en fait. J'ai mal entendu. Hein. J'ai rencontré le vendeur, tu sais. Ouais, et alors, il s'est passé quoi? Mais en fait, il compte venir à la maison, quoi. Pardon?

Bon, excuse-toi et on en reste là. Je m'excuse, je ne vais pas m'excuser. Bah si, je m'en vais comme ça, voilà, c'est tout. Je m'excuse pas de... Si, vas-y, excuse-toi. Tu te fous de ma gueule, tu fais le fret, hein. Mais non, mais excuse-toi, dis-moi, voilà, c'est bon, je m'excuse de m'être emporté. Ah, c'est sûr, par contre, je vais m'excuser de ne pas avoir été là, parce que le jour où je vais te croiser, tu vas voir, tu vas te souvenir de comment je m'appelle. Ah mais attention, je te fais 10% chez Etam Lingerie, hein. Sur ma lingerie? Non, sur Etam Lingerie, quand tu viens à la boutique. Ah, mais quand je vais venir, ça va pas être 10% que tu vas prendre. Tu vas tellement prendre cher que ça va être toi qui va me demander de te laisser 10%. Bon, Gaël. Oui. Bon, explique-lui. Non, mais excuse-moi, bébé. Non, il n'y a pas d'excuse. Toi, tu vas te faire enculer. Tu peux oublier, tu peux déclarer célibataire. Tu peux faire la pute partout. C'est bon, tu veux faire la pute partout, tu veux. Non, excuse-toi. Tu veux faire la simple. Tu veux faire la simple, elle veut faire la simple. Steven. Tu le sais, Steven. La merde, tout. Steven. Steven. Quoi? T'es en direct sur Fun Radio. Ouais. Oh, si on peut plus rigoler 5 minutes. Oh là là. Hein? Si on peut plus rigoler 5 minutes maintenant. Bande d'enfoirés. Oui, c'est un peu comme ça qu'on nous appelle de temps en temps, effectivement. Bah, je suis désolé, honnêtement. Ah, je suis désolé. T'as vu, tout le monde voilà, s'excuse à voilà. La fin. Hein, ah, il faut le cinéma et puis honnêtement, je suis désolé. Oh, qu'il est bête. Bon, Steven, bon, il va falloir te faire pardonner parce que traiter sa copine de pute et de tous les noms possibles et inimaginables. Appelle ton pote et dis-lui qu'il descende pas avec la batte ou avec la batte de baseball, quoi. Il va falloir que je pense à le prévenir aussi. Oui, c'est mieux, ouais. Ça pourrait être marrant parce que lui, il va pas rigoler là. Lui, il est pas Marseille, il est vraiment Corse, hein. Va te faire enculer au PD, voilà. Ouais, mais je m'en fous, honnêtement, j'ai pas calculé la différence. Voilà, bon, bah Steven, alors du coup, on offre l'iPad mini à qui? À toi, Gaël, ou à toi, Steven? Bébé, prends-le, hein. Plus il est gentleman. Ah. Oh là là, alors qu'elle l'a trompé comme ça 10 fois de suite, et c'est quand même. Insulté, bon. Ouais. En fait, c'est son cadeau comme ça, tu vois. Hop là, ça c'est fait. Ouais. Je suis désolé, chérie, je t'ai un peu insulté, mais tiens. Un petit peu, vite fait, quoi. Bon, bah Steven et Gaël, bon ben bah, au fil de l'iPad mini, vous gérez à qui il arrive. Chez qui il arrive plutôt, d'accord? Okay. D'accord, bah de toute façon, il arrivera à la maison, on habite ensemble. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et enfin, on l'enverra chez Tam Lingerie, quoi. C'est ça, ouais. Bon, allez, salut à vous deux, hein. Merci. Et si vous voulez vous aussi d'ailleurs vous inscrire, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi nous appeler là 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et il y a Cluse en force qui dit mort de rire, moins 10% sur ta lingerie. Bah évidemment, moi je suis un bon commerçant. Jennifer qui dit mort de rire, le nique ta mère. Oui, il était drôle pour le coup, à chaque fois il tombe dedans en plus. David qui dit je suis mort de rire en vous écoutant. Il y a Henri qui dit je suis plié en deux dans mon lit, le pseudo-vendeur. Quoi? Eh, je suis bon vendeur. Hein, si jamais je suis plus en radio là, si Etam Lingerie cherche un vendeur. Voilà, moi je viens, pas de problème. Il y a Clem qui dit est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Bah oui, je sais pas si ils s'en rendaient compte là. Clem qui dit oh qu'il est bête. Michel d'Etam Lingerie, c'est Frenchy47 sur le Twitter. Let's Be Freaks qui dit il se rend pas compte de la chance qu'il a. Bah clairement pas. Everything Magic aussi qui dit personnellement je suis mort de rire. Bah tant mieux, Everything's Magic. Vraiment trop cool, Mickaël sur Fun, ça déchire. Merci Henri pour le message. Il y a Fredes qui dit aussi il est trop bon le chéri, je peux te faire cocu. Mickaël, j'adore le Michel, ta mère pliée encore une fois. Et puis des messages aussi, Jules encore qui dit là il faut que je me mette à bosser là, soutenez-moi. Voilà, j'espère que tu t'es bien rendu compte, nous sommes avec toi à 100% Jules. Et puis complètement. Et puis des messages aussi qui sont arrivés, Derwinder qui dit ouais, je suis nouveau depuis hier là, bah franchement, je veux bien le réécouter avant 2h le son. Bah écoute, tant mieux, on va faire ça tout à l'heure, Derwinder là, Romain, sois le bienvenu. Si t'es nouveau depuis hier, sois le bienvenu. Et puis bah préviens tous les autres aussi, bien entendu, hein, qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio entre 23h et 2h du mat du lundi au jeudi et évidemment le dimanche sur Fun Radio de 20h à minuit. Bon, allez, gagnant GTA, là, c'est parti. On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. Allez. On y va. Je fais déjà cramer le moteur, là. Vas-y, passe-moi le scooter de Toff. Allô? Ouais, allô, allô? Oui. Comment tu t'appelles? Oh, putain, c'est une fille. Allez. Gaëtan. Non. Gaëtan, t'es une gonzesse? Ouais. Oh, c'est merde. Bon, ça, oh, bah, tant mieux, hein, mais les mecs, ils vont être enragés, là. Attends, bah, on va faire une course. Tu veux GTA 5 ou tu veux le mobilette 5? GTA mobilette. Hein? Gaëtan? Allô? Ah, mais non, c'est un mec qui a repris là. Bon. Allô, bah moi je préfère GTA 5. Hein. Ouais, ou alors il y a GTA mobilette. GTA mob. GTA mob avec Toff. Hein. Bon, alors qui c'est qui gagne? Gaëtan là maintenant, je comprends plus rien votre bordel là. Non, comme... non, mais c'est toi. Ouais, non, c'est moi. Bon, bah Gaëtan, bah tu repars avec GTA 5. Voilà, GTA 5, tu veux sur PS3 ou sur Xbox? Xbox 360. Oula, c'est qui derrière là? C'est tous tes potes? Ouais, ouais, je suis avec des copains qui aiment aussi GTA 5 et qui vont venir squatter chez moi. Tu m'étonnes. Eh ben, tu sais quoi, Gaëtan, t'as qu'à leur dire. Eh, bande d'enculés, vous jouerez pas. Vas-y, bande d'enculés, vous l'aurez pas, mon jeu. Voilà, ça c'est une meuf, ça, qui a des couilles. Parfait. Hey, Gaëtan, tu veux faire une course là? Tu prends la voiture ou le scooter de Toff? Ah, moi je prends la voiture. Ok, allez, on fait une course. Bon bah bravo Gaëtan. Allez, je te fais des bisous. Il reste au standard. On va prendre toutes tes coordonnées pour te filer GTA 5, d'accord? Ok, bah je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Salut, salut Gaëtan. À bientôt. Bonne soirée, merci Fan. Ciao, bye Gaëtan. Bon bah, et rassurez-vous, il y a d'autres jeux encore. Avant une heure, je vous en remets un autre. Vous allez sur le Facebook maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Vous continuez à faire votre like sur la photo. On fera encore un tirage au sort avant une heure du mat. Et puis pour ceux qui n'ont pas internet, vous pouvez jouer aussi évidemment par SMS. Vous envoyez simplement maintenant. Eh bien et Mickaël, voilà, tout simplement, avec la réponse. Avec la réponse, je dis n'importe quoi. Je confonds avec la colle. Vous envoyez et Mickaël au 64 900 et au 63 22 pour la Belgique. Bonne chance tout le monde. Il y a Romain qui dit, oh putain, c'est une fille. Ils attendent GTA 5. Là, voilà, c'est une fille qui a gagné mort de rire. C'est Thibaut. Ouais, mais il y en aura d'autres. Hein, vous inquiétez pas, il y a d'autres jeux encore. La chance de la meuf et la GTA 5 gratos. C'est Chris sur le Twitter qui disait ça. Et alors, et encore un message aussi. Oh putain, la salope. Oh, soyez pas rageuse. Ne vous inquiétez pas, on en aura d'autres à vous offrir là dans un instant. Ah, calmez-vous, calmez-vous. Retour avec Hugo dans un instant. On va reparler aussi des pires étudiants, des pires tricheurs. On va parler également des pires râteaux. C'est ça avec Hugo. Là, il nous avait appelé pour les pires triches, c'est ça, hein, Hugo, hein. Ouais. Et puis finalement on avait bifurqué sur les pires râteaux. On va parler de ça dans un instant, promis, bouge pas de là. Je raconterai également mon expérience, celle de Toff bien sûr, et puis les vôtres bien entendu, hein. Si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous balancez votre message évidemment. Il y a Sandro au standard, il y a le stagiaire également. Et on revient juste après au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Après Lady Gaga et Applause, c'est Mickaël Nolimi jusqu'à 2h, bienvenue. C'était Lady Gaga à l'instant sur Fun avec Applause. Il marche pas, ah, c'est dommage. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio et dans un instant, je vous cale le nouveau Linkin Park. Allez, Linkin Park dans un instant avec Steve Aoki. Je vous le mets dans un instant sur Fun Radio, donc restez bien là. Et puis on va se faire des messages aussi qui sont arrivés. Il y en a plein qui sont arrivés là, des messages pendant la musique. Il y a Frenchy47 qui dit j'écoute Mickaël depuis une semaine, c'est énorme. Mais merci Frenchy47 et puis sois le bienvenu. Emeline qui dit vous êtes vénère les mecs. Bah non, on est plutôt calme là ce soir, on est bien. Il y a Clem qui dit bim, c'est une meuf qui a gagné. Et puis bah ouais, j'étais à 5. Et puis il y a Quentin qui dit oh l'enculé. Offrez-lui Barbiland sur Xbox. Quel connard alors Quentin. Bon, hey, les autres, je rappelle qu'avant 1h du match, je vous remets le jeu encore une fois. GTA 5 a gagné ce soir en exclu sur Fun. Je vous l'offre dans dans un peu plus d'une demi-heure, avant 1h du mat. Il suffit simplement de venir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Vous faites un like et vous partagez la photo où il y a la pochette du jeu. Et on fait un tirage au sort avant 1h du mat. Il y a Kevin qui dit vive Michel, lol, avec tous ses trous, c'est énorme. Il y a Chou aussi qui dit c'était en train de partir en live, je suis mort de rire à la place de Gaël, je me sentirais mal mais je pourrais pas me retenir de rire à l'antenne, c'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est le chéri, je peux te faire cocu qu'on vient de faire à l'instant sur Fun Radio pour ceux qui viennent de débarquer. Il y a Dams qui dit Michel, ta mère mort de rire, il m'a tué, vite le nouveau Linkin Park, ça va arriver les B-Freaks. Et alors message aussi qui est arrivé, il y a Steve qui dit bande de ouf. Bon merci Steve, on prend ça comme un compliment hein, pour ouais. Le coup hein, évidemment. Bon alors avant de prendre Hugo là comme promis, eh bien on va se faire maintenant les teubés de la télé. Hugo, tu regardes la télé toi ou pas souvent ou pas? Ouais, enfin plus trop depuis que je suis à l'internat, j'ai pas trop le temps. Ah ouais, ouais, forcément, ouais, évidemment. Bah écoute, c'est pas grave, on va te faire la séance de rattrapage là. Bon, normalement on fait ça à minuit, mais on est un peu en retard avec GTA, avec le chéri, je peux te faire cocu, bref. Et donc, bah là, il y a enquête d'action, on a un champion du monde avec des expressions qui sont très à lui. C'est mon arrivée à Pattaya. Les filles se sont passé le mot que le loup blanc arrive. Que l'anaconda en chair et en saucisse arrive sur Pattaya. Voilà. Donc voilà, je suis accueilli avec un feu d'artifice. L'anaconda en chair et en saucisse et il est accueilli en feu d'artifice. Ah, il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Tu vois, finalement, tu rates rien, Hugo. Encore hein, un petit coup. Tu veux que je le remette? Ah, attends, je vous le remets, le champion du monde. Là. C'est mon arrivée à Pattaya. Les filles se sont passé le mot que le loup blanc arrive. Que l'anaconda en chair et en saucisse arrive sur Pattaya. Bon, voilà, je suis accueilli avec un feu d'artifice. Voilà, le feu d'artifice, il est bien. Moi, j'ai hâte d'être le 31 décembre pour le feu d'artifice. Hein. Attends, on va se marrer. Hein. Bon, et puis dans les 12 coups de midi aussi, on a eu une autre championne cette fois-ci. Hein, c'était ça. Quel personnage créé par Edgar Rice Burroughs est surnommé le roi de la jungle? Georges de la jungle, Tarzan. Tarzan. Eh oui, Georges de la jungle, Georges de la jungle. Ouais. Et puis, dans Tout le monde veut prendre sa place, on a encore mieux. Alors, écoutez bien, Nagui, donne la réponse au début de l'extrait. Écoutez, une facile dont la réponse sera Ushuaïa. Dans quelle émission de télé un animateur reporter partait-il à l'aventure? Ah, oh, c'est beau, c'est beau. Ah, je dis la réponse. Non. Je pensais que je dois me laver les cheveux, moi, pardon? Ouais, t'as là ça. Ah, qu'elle est con, elle. Ouais. Mais en fait, quand il donne la réponse, je pense que c'est la meuf, elle est déjà éliminée, donc c'est mort. Oui, mais bon, elle lui donne quand même la réponse. Elle lui donne la réponse au début, quoi. T'aurais trouvé, toi, comme Hugo, là, rassure-moi, là. Bah ouais, carrément. Ah bon, quand même. Non mais d'accord, mais ça me rassure. Quoi. Bon bah ça me rassure quand même un minimum là. Comme bon. Quoi, même en ayant des réponses, ouais, des fois tu... Exactement. Tu peux te tromper quand même. Exactement. Bon, il y a Linkin Park qui va arriver dans un instant sur Fun, le nouveau. On vous cale aussi tout à l'heure le son de Motonette. T'aimes bien toi ou pas Hugo là? Ouais, j'adore. Ah parfait, bon on va te le mettre pour toi tout à l'heure avant une heure, tiens. Et je vous cale aussi évidemment un son que vous avez découvert, on le kiffe tellement qu'on le met tous les soirs. Bouya. Tech sur Fun, et puis si vous avez des sons en particulier vous voulez entendre, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter, vous faites vos propositions, il n'y a pas de problème, et dans une heure et demie on élira également eh bien le top tweetos de la soirée, évidemment celui, bah ce sera l'auditeur qui est le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël, donc à vous de jouer évidemment. Bon Hugo, on parle on avait lancé le délire là avec les pirates. Qu'est-ce que c'était ton histoire toi Hugo là, dis-nous. Alors c'était pendant une soirée, donc pendant les vacances. Et j'essayais de gratter une meuf, mais bon, je suis pas trop... J'essayais de gratter une meuf pendant la soirée. Ouais. Et tu joues pas au bingo, hein. Y a un pote... Ah bah si, carrément. C'est une chance sur deux, hein. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, il y a un pote à moi qui a voulu gentiment m'aider. Donc, il est allé la voir. Il lui a parlé pendant quoi? Un quart d'heure, 20 minutes. Et le lendemain, donc bon, la soirée, elle s'est plutôt bien passée. Ouais. Et le lendemain, eh ben elle m'a annoncé que c'était mort, enfin que ça pouvait pas se faire, car elle était beaucoup plus attirée par le copain qui a voulu m'aider. Donc voilà quoi. Ah merde, c'est dommage. J'ai jamais envoyé un pote, ça. Jamais. Voilà, bon, plus moche. Elle est par lui-même. Et ouais. Oui, Hugo, on ne gagne pas toujours au bingo. Ouais. Ouais. Merci Sandro. Non mais sinon il faut envoyer un pote mais moche. Ouais, c'est pour ça que Mickaël m'envoie toujours. Véridique, je l'avais déjà fait un jour. En fait, si vous voulez, un jour j'avais des vues sur une meuf et il y avait sa meilleure amie qui me saoulait. Elle était toujours dans le chemin, tu vois, parce qu'on rentrait, en bus de l'école, donc en fait, si tu veux, dans la même classe, il y avait la meuf que je voulais avoir, il y avait sa meilleure amie qui était relou, il y avait moi, et Toff, lui, était dans une autre école. Non, il était dans une autre école, lui. Il a donc toujours été rejeté, même à l'école. Non, pas du tout. Mais il était dans une autre école, donc je l'avais appelé, je lui ai dit, écoute, viens me chercher, que t'essayes de, tu sais, que je te fasse connaître, enfin, que je te fasse rencontrer la meuf. Ouais, et puis comme ça, tu m'as. Ça a été dégueulasse. Oh là là. Ça s'appelait Séverine, si tu m'écoutes. Elle était blonde, enfin bon, bref. Elle était moche. Ouais. Et donc, du coup, bah, en fait, voilà, c'était juste la meuf la plus relou du monde. Et donc j'avais dit, attends, je fais écoute, viens, comme ça tu vas m'enlever une épine du pied, t'essayes de m'en débarrasser, comme ça moi je peux gérer quoi. Bah on avait 17 ans. C'était pas une épine, hein, ouais. c'était tout le buisson de ronces. Hein, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, même avec la moche, Toff il a raté quoi. Déjà à 17 ans. Voilà. Il avait raté son coup quoi. Elle était insupportable. Ah ouais. Bon, elle s'appelait Séverine, je répète encore un coup, on sait jamais. Bah oui, tant qu'à faire, de toute façon on est loin. Donc, non, oui, bah voilà. Ah oui, c'est ça. Final, c'était à l'école Saint-Adrien à Bruxelles. Voilà, comme ça je donne les doses là, j'en ai à foutre. Au final tu l'as pécho ou pas la meuf? Ouais, bah putain, j'aurais mieux fait de m'abstenir par contre. Non, elle était cool, mais sur la fin elle était prise de tête. Une fille. C'est genre, ouais, mais écoute, là j'en pouvais plus, elle me prenait la tête, je pouvais rien faire. Dès que je faisais un truc, truc, elle me tapait un scandale. Donc c'est après moi je lui disais bon écoute c'est bon on va arrêter là. Ouais bah je vais me suicider. Alors je comprends, je comprends que quand je casse, voilà la meuf est au bout du rouleau et elle préfère se mettre une balle, mais non mais quand même quoi. Voilà. Oui bah oui je comprends. C'est vrai, c'est normal. Bah voilà, mais non mais c'est ça. Combien de filles j'ai ramassé après. Bah oui mais oui. Tu dis qu'est-ce qu'elle était bonne. Oui non bah elle était bien, une petite brune aux yeux bleus. Elle est mariée maintenant par contre. Pardon. Ah oui, bah là, elle est mariée, elle a des gosses, hein, je vais vous expliquer. Excusez-moi, je me suis emporté. Oui, bah écoute. Bon, et toi Hugo, t'as déjà envoyé, oui, envoyé des potes, ça oui, mais t'as déjà demandé à un pote de venir t'aider, comme moi, là, à te débarrasser d'une meilleure amie relou ? Non. Ah, mais, bah écoute, moralité, mieux vaut pas, hein. Attends, il y a peut-être Dorian qui a peut-être vécu ça. Salut Dorian. Salut. Comment ça va ? Salut. Ça va. Bon, très bien. Sois le bienvenu Dorian, t'appelles du 55, toi, de Verdun, c'est ça ? Oui. Bon, oui, très bien. Bah, bien le bienvenu à toi, Dorian. Alors, c'est quoi ton pire râteau, là ? Bah, je lui ai dit en face devant toutes ses copines, quoi. Que tu voulais pas d'elle ? Bah, non, que je la voulais, quoi. Ah, ah ouais, mais ah, jamais, devant toute la bande, jamais devant les copines, oh, jamais. Et dis-toi bien que même 10 ans après, hein, elles se foutront toujours de ta gueule. Ah, mais ouais. Ça sera l'anecdote récurrente. Ça y est, toi, t'es fiché direct. Ah oui, mais c'est clair, faut jamais faire ça, parce que surtout, ça fait... Et après ça quoi tiens. Ah ouais non stop là. Alors t'as vu et après elle t'affiche en toute baillue. Mm. Ah, visiblement c'est le cas. T'as l'air terrorisé. Non mais c'est pas grave Dorian. C'est rien Dorian, tu vas te remettre. Hein. C'était quand ça ? Il y a une semaine. Ah ouais c'est tôt là. C'est frais. Et comment ça s'est passé ? Dis-nous qu'est-ce que t'as dit ? Bah je lui ai dit tout le temps tout la vérité en face et mes copines bah elles ont rien dit mais après par derrière ça parlait quoi. Bah ouais. Ouais mais ça les copines ça parle toujours par derrière. Ah ouais toujours hein, toujours. Et je sais de quoi je parle, la meuf que j'essaie d'avoir là avec l'autre amie était relou hein. Qu'est-ce qu'elle était relou. Ouais. Mais il faut enfin, toujours faire ça en loose day. Voilà, mais jour en face à face, quoi, tu vois. Ouais. Surtout pas envoyer des messages, parce que si vous envoyez des messages après, t'as vu ce qu'il m'a écrit ? Ah, t'as vu quel bouffon ? Ah, pour peu qu'elle fasse des photos ou des screenshots qu'elle mette sur le Facebook, après t'es mort. Ah ouais, alors elle affiche avec tout. Vous avez vu quel ringard ? T'as vu ce qu'il m'a écrit ? Là, t'es mort. Encore à l'époque où on était avec Toff, il y avait pas toutes ces conneries là. Ouais. On était au début du SMS, alors c'est pour vous dire. Je pouvais encore écrire des lettres et tout. Avec ton écriture pourrie que t'as en plus. Non, parce que justement il s'appliquait. Je m'appliquais et tout à faire des belles lettres rondes. Comment t'apprends en primaire et tout. Ah c'est mignon et ça sert à rien. Regarde la preuve hein, c'est absolument rien passé hein. Mais Dorian, comment t'as fait pour avoir le courage d'y aller? Franchement bravo hein. Devant toutes les copines. C'est un vrai mec. Ouais c'est vrai. Non mais c'est vrai hein. Bravo Dorian. Félicitations. Il y a Antoine aussi qui est là avec nous là. Salut Antoine. Salut. Comment ça va ? Bah bien et vous ? Bah tranquille hein. Alors c'est quoi toi ton histoire ? Bah moi j'ai pas eu de râteau moi. C'est juste que j'ai largué une fille méchamment quoi. Alors c'est-à-dire, vas-y, dis-nous, explique. Ouais parce en que gros, ça aussi vous pouvez nous dire hein, comment vous avez fait. Même si c'est plus drôle les tôles que vous êtes pris hein. Et comme par hasard il y a que des mecs. Bizarre. Parce que Antoine il a appelé au standard en disant ouais bah moi je me suis jamais pris de râteau. Ah d'accord, bon très bien, donc toi Antoine tu t'es jamais pris de râteau mais par contre t'en as mis un. Ouais c'est un beau gosse. Ouais. D'accord, alors vas-y explique-nous. En gros je sortais avec une meuf depuis une semaine, tu vois, à la sortie du bahut. Ouais. À la fin de l'année. Et en gros je la revoyais plus, tu vois. D'accord. Puis, ça me cassait un peu les couilles. Et en gros je voulais la plaquer mais j'avais pas envie d'écrire des messages, tu vois, ça me gênait un peu. Et en fait sa mère... mon ex a travaillé au maxi à 1 km de chez moi. Ouais. Et en gros, ma mère, tu vois, y allait de temps en temps et tout. Et j'ai appris qu'elle faisait un stage au maxi là-haut. D'accord. Donc du coup, j'ai dit, vas-y, tu peux pas dire à ma meuf que je la plaque, quoi, gros. Non, t'es sérieux, mais t'as même pas fait ça toi-même. Il a fait quoi ? Il a dit à la mère, en fait ? Mais ouais. Il a dit à la mère, tu peux dire à ta fille que je la plaque ? Oh là là là, mais c'est-à-dire que... Ma mère qui est allée, elle l'a vue... Non mais t'es sérieux, tu demandes à ta mère de... nettoie ton linge sale. C'est vraiment un mec, toi. Antoine, franchement, là, tu mérites même pas d'être un homme. Oh là, c'est pire que le SMS. Voilà. Ah ouais, c'est pire que le SMS, parce que le SMS, encore, tu t'adresses à elle. Là, c'est vraiment, t'envoies le postier, quoi. Bah ouais. Et ta mère, elle l'a fait ? Ouais. Et en plus elle l'a fait. Oh là là. Ma mère, je lui ai dit ça, elle me dit dégage, tu fais ça toi-même. Hein. Mais bien sûr, non mais elle a raison surtout. La raison. Parce que Toff, t'oserais même pas dire ça à ta mère. Non, je pense que la proposition, c'est inenvisageable. Je vais commencer la phrase que déjà elle va m'engueuler. Mais comment tu m'as vraiment pris pour un coursier? Non non, parce que ça sera la phase d'appareil. D'abord elle va me dire ouais, mais je t'avais dit que c'était pas une fille pour toi, je t'avais dit que c'était une grosse conne. Merde. Ah oui, ta mère est comme ça. Mais oui, mais il m'écoute jamais, cette espèce de sale connard. Mais c'est toutes des connes, j'arrête pas de lui dire. Oui, ce connard, il ne m'écoute jamais. Bon, et il y a un message de Megumi qui dit mais oui, comme je comprends, ça doit être dur de se faire larguer par le beau Mickaël. Oui. Bah, vous imaginez même pas. Il y a quoi aussi? Romain qui dit vivement le nouveau Linkin Park. Bah, il va arriver là dans quelques minutes. Il y a Henri aussi qui dit Linkin Park, j'ai hâte. Il y a Aurélien qui dit ouais, le nouveau Linkin Park. Il arrive dans un instant, ne t'inquiète pas. Et ah oui, elle a envoyé une autre histoire aussi, mais ça c'est pas vraiment. En fait, c'est pas vraiment un râteau pour le coup, c'est la faute à pas de bol, parce que je lui ai rien demandé en fait, si tu veux. Alors je vous explique l'histoire. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'était, je crois que c'était la première meuf, non la deuxième. Il y a la deuxième meuf que j'essayais de choper. La première, ça s'était bien passé, mais t'es quand même pas terrible. Et puis après, il y a eu la seconde. Première s'appelait Marie, si tu l'écoutes. Et donc, et après, il y a eu la seconde. Donc, c'était une meuf que j'avais rencontrée aussi, bien mignonne, tout ça. Et bon, j'ai toujours été un grand timide. C'est vrai, hein. Les gens s'en rendent pas compte comme ça, mais c'est vrai. Je peux raconter des trucs ou pas? Oh merde. Et t'as déjà raconté ça 100 fois, c'est bon. Ah, non, c'était pas ça que je voulais parler. Je voulais parler en général. D'accord. Et donc, je discute avec la meuf, si on est potes et tout, machin, au ciné. Donc, j'osais pas y aller. Puis, il y a mon cousin qui m'avait déposé à l'époque, j'avais pas de voiture, qui me dépose devant chez elle et me dit, écoute-moi bien, ce soir tu lui dis. Si tu lui dis pas, je le dis moi. Donc tu vas te taper la honte. Donc voilà, il m'a mis la pression. Ah, la pression de. Bon, alors tu sais, voilà, on va au ciné, tout le bordel. On termine la séance, on revient, on est dans le bus ou je sais plus quoi. Et puis elle arrive. Et au moment où j'allais lui dire, elle me dit, en tout cas, ce qui est bien avec toi, c'est comment il n'y a pas d'arrière-pensée, on est amis. Oh, je dis merde. Ah, c'est bon ça. Le truc qui te refroidit pour la vie. Ah, ouais. Alors je lui dis, ouais, c'est vrai, ouais. Alors, je me suis pris un vent là. Non mais débile, ça va. Ouais non, pas débile. De quoi Antoine? Peut-être qu'elle s'en doutait, je pense. Bah ouais, mais bon, en même temps, elle pouvait pas savoir. Elle était contente qu'on soit amis, quoi. Oui, oui, pas fort. Elle s'en doutait pas. Peut-être qu'elle pensait vraiment. Non, mais j'ai toujours été très discret. Attention, ça se trouve, elle t'a dit ça exprès pour voir comment tu allais réagir. Ouais, bah j'en ai rien à foutre. Maintenant, elle sait ce qu'elle a perdu. Elle s'appelait Catherine. Voilà. Et jamais parlant tous les dos. Et Catherine, ouais. T'es jamais sorti avec après. Il y a jamais rien eu. Donc vraiment, c'était. Voilà. Tu dis Dorian? Elle a pas perdu du grand chose avec toi. Voilà. Oh voilà, Dorian. Alors que j'allais te filer GTA 5 là. Oh merde. Ah le bâtard, oui la console et tout ce qu'elle est avec, effectivement. Ouais. Et il y a Jordan qui vous êtes en train de me tuer, je suis mort de rire tout seul. Et alors Let's Be Flux, il est mon pauvre Tofinou là, je te fais un gros câlin pour te consoler, très bien. Il adore, il voudrait aussi mais que tu l'embrasses, évidemment. Let's Be Flux, avec la langue. Et Clara ici qui dit, ah ben, ça dépend des filles là, quand des mecs jouent contre moi à Mario Kart, ils seront pas déçus. Ah bah écoute, très bien, on va revenir sur les jeux vidéo après, vous inquiétez pas là. Bon bah dites-nous les pires râteaux que vous avez pris dans votre tronche là. Merci en tout cas Hugo, merci Antoine, merci Dorian, vous revenez quand vous voulez les gars. Attendez, qui veut gratter un GTA 5? Antoine, moi. Antoine, même pas en rêve. Ah, Hugo aussi. Bah, allez. Ah non? Moi. Ah non, rien. Dans un camion là. Ouais, non. Bah, attends, flatte-le, je regarde dans le camion Antoine, là. Flatte-le, Antoine. Attends, je regarde. Attends. Ah, tu veux quoi là? Attends, je regarde dans le camion. Merde, il est vide. Attends, on va en voler un autre. Oh putain, on a vidé le camion, les enculés là. Non, on en a que 3 ce soir. Hein, j'ai dit que je les filerais sur le Facebook et sur les SMS. Alors si je t'en file un à toi, ils vont gueuler. Tu as un coup de pelle alors. Ah bah par contre, un coup de pelle, je peux t'en mettre un dans la tronche, ouais. Voilà. Et puis par contre, tous les 3, si vous voulez, vous pouvez repartir avec le nouvel album d'Avicii. Ça, je vous le file, y a pas de problème. On va, gérer ça avec Sandro au standard. D'accord? Ouais, ok. Bon, bah salut à vous. Vas-y Antoine, vas-y Antoine. Ouais, à mon demi-frère, Axel. Très bien. Il m'écoute en ce moment. Bah parfait, bon, on l'embrasse aussi, le demi-frère là. Salut Antoine. Salut. Moi, je fais un dédicace. Vas-y Hugo. Club de foot. C'est quel club de foot? Le FC Liard, c'est un petit village. Oh, le FC Liard. Bon, c'est quoi le dernier score là, le dernier match que vous avez fait? On a gagné 6-2. Oh, ça c'est bon ça. Champion de France. Ouais. Champion du monde. Eh bah parfait là, 6-2 c'est pas mal. Mais vous jouiez contre combien en face? Ah bah non, mais on joue au niveau, nous on est des pros, attention. Ah ouais. Quand même. Ah c'est bon ça, pas mal. Bon bah bravo en tout cas Hugo là, bah très bien, le message est passé. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Ouais, salut. A bientôt Dorian, un truc à dire aussi avant de partir? Petite dédicace à un pote. Bah vas-y alors. À Anthony François, hein, mon meilleur pote. Hein. Très bien, eh bah le message est passé, ça y est, on embrasse. J'espère tout le monde à Verdun. Oui bien sûr, tu vas retourner chez Sandro Standard, sans problème. Salut Dorian. Salut. À bientôt, ciao à toi. Retour avec Marie-Pierre là dans un instant. Allô Marie-Pierre. Oui. Marie-Pierre, alors juste après le son de Linkin Park, on va donner la réponse à la colle. Donc répète la colle, s'il te plaît, encore un coup. Alors, qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous ? Qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous ? Voilà. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Sur le Facebook également, je vous ai mis la colle. Donc facebook.com/Mickaël officiel, vous laissez la réponse en commentaire. Et puis si vous n'avez pas internet, vous pouvez jouer aussi par SMS en envoyant simplement Mickaël et la réponse au 64 900, ou alors Mickaël et la réponse au 63 22 pour la Belgique. Qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous ? Je vous rappelle qu'il y a soit une PS3 et le jeu Godens à gagner, soit un iPad et le jeu Godens à gagner. Tu choisirais la PS3, toi, c'est ça, Marie-Pierre ? Oui. Parfait. Oui. Eh ben écoute, reste bien sur Fun Radio. Juste après le son de Linkin Park, on va peut-être t'offrir justement ça, d'accord ? D'accord. Allez, à tout de suite, Marie-Pierre. Bon, et vous, dites-nous, les filles, les garçons, là, on a déjà eu trois mecs, là, on voudrait avoir l'avis des filles. C'était quoi les pires, les pires talks que vous vous êtes prises, hein, les pires râteaux ? 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique, je compte sur vous. Vous avez été nombreux à le demander, eh bien, je vous le mets. Le son de Linkin Park maintenant sur Fun Radio avec Steve Aoki. Donnez vos avis, hein, si vous aimez ou pas, là, je compte sur vous. Hashtag Mickaël sur Twitter. Now you know. Et voilà le nouveau Linkin Park à l'instant sur Fun Radio, A Light That Never Comes, c'est avec Steve Aoki. J'espère que vous l'avez bien kiffé là. Let's Be Freaks qui dit quel orgasme le nouveau Linkin Park. Le Prince Stadia qui dit il est très bon Linkin Park, j'aime beaucoup. Thibaut, ça va, il est pas mal le son. Il y avait longtemps que j'avais pas entendu Linkin Park toujours aussi puissant. C'est Mr. Steven, Derwinder qui dit le nouveau Linkin Park dès le début. On dirait un feu d'artifice pour les oreilles tellement il est bien. Il est pas mal le feu d'artifice là. Clem aussi qui dit il envoie le son trop cool. Merci Mickaël, c'est Henri sur le Twitter. Allez, un bon son de Linkin Park là pour Romain. Et puis qu'est-ce qu'il y a aussi, Steve qui dit Linkin Park, Steve Aoki, c'est une tuerie. Ouais, franchement je le trouve plutôt bien réussi le Linkin Park. En tout cas ça fait plaisir. Dans un instant je vous recadrerai aussi le nouveau Britney Spears. Ouais, je l'aurais jamais mais on l'a redemandé. Alors on va vous le remettre, vous inquiétez pas, avant 2h du mat, promis. Et puis un morceau qu'on demande souvent aussi avec le hashtag Mickaël sur le Twitter, c'est Backermat. Avec le pipeau là, le même que Polo. Chris sur le Twitter qui dit vous pouvez dire à Sandro qu'elle est belle s'il vous plaît. Ouais, on salue la Ligue Braille également ce soir. Bah Sandro elle peut pas répondre parce qu'elle est tellement occupée au standard là, elle en peut plus. Ah oui, ça sonne de partout. Bah et ça ouais, mais voilà, et petit panda qui dit il est kiffant le son. D'ailleurs tu peux arriver à nous faire en pipo le Linkin Park C'est pas évident parce que je sais que c'est pas évident mais c'est du son chic chic boom là. Bah c'est ça, c'est du son chic chic boom boom boom boom chic chic. Si c'est beaucoup de boom boom, de temps en temps un petit peu de chic tchac. Voilà, donc Linkin Park c'est ça. Vas-y. Tu vois ? Tu peux le refaire en pipeau ou pas ? Ouais. Bon, alors attention, bon, je l'arrête. Là. Attention, okay. 3, 4. Que dire de plus ? Qu'est-ce magnifique. Que t'es fort pour le coup. Un ça, talent, mais un ça, talent les... exceptionnel. Exceptionnel, que voulez-vous que je vous dise ? C'est exceptionnel. Bon, hier je vous parlais des problèmes de Toff là qui avait du mal à se réveiller. Teddy, qui est déjà avec nous là. Bonsoir Teddy. Comment ça va ? Ça va, ça va. Bon, on va parler des râteaux dans un instant avec toi, hein, comme promis, t'inquiète pas. Mais en revanche, donc, comme je le disais, donc Toff, hier, on en avait parlé, hein, qu'il avait des problèmes pour se réveiller. Est-ce que t'as des problèmes, toi, pour se réveiller, pour te réveiller ? Ouais, le matin, ouais, avec les cours, c'est un peu chaud. Ouais, ouais mais tu mets quoi ? Qu'est-ce que t'as comme système pour te réveiller, toi ? Genre, tu mets 2 réveils, tu fais quoi ? 3 réveils ? Ouais, j'en mets même 5-6, ouais. Ah, 5-6, ça, carrément. Moi, j'ai une pote, elle met genre toutes les 5 minutes. Dans, quelle genre horreur. Sur l'iPhone, et donc toutes les 5 minutes, il y a le réveil. Oh non, laisse tomber, laisse tomber. Non, non, mais bon. Et donc du coup, bah, alors, en fait, après l'émission hier soir, il est venu me voir en me disant, ouais, putain, est-ce que quelqu'un peut me réveiller parce que demain on a rencard avec le boss. Demain à 13h, on a rencard avec le boss de la radio. Je sais pas ce qu'il nous veut, mais bon. La semaine dernière, on devait le voir et finalement, il a reporté. Je crois qu'il a eu peur de nous. Et donc du coup, bah, demain, c'est reporté à demain, quoi. Donc demain, on a rendez-vous à 13h et il a peur que voilà, ça marche pas, quoi. Bah c'est ça. Bah c'est ça. Moi, enfin j'ai peur surtout de pas arriver quoi. Mais oui voilà c'est ça. Alors ce que je propose c'est que en fait c'est parce que le problème c'est que t'habites seul, faudrait que t'habites avec quelqu'un. Bah oui. Voilà. Donc essaye de on va appeler des gens, essaye de voir si tu peux éventuellement. Si je peux aller dormir chez eux ce soir. Voilà, voir s'ils pourraient éventuellement t'héberger. T'as pas des numéros toi, t'es dit là, de gens qui pourraient héberger Toff cette nuit ? Les gens qui pourraient héberger, bah. Ouais, c'est surtout pour le réveiller demain, hein. C'est pas tant l'héberger, mais c'est le réveiller quoi. Bah oui. T'as pas là comme ça ? Non ? Non, là, pas trop. Bon, bah, si vous avez des numéros de gens qui sont encore debout à cette heure-ci, là, donnez-les-nous. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, 02 851 4x0. On va donc, dans quelques instants appeler des gens, on va appeler des gens. Voilà. Bon, avant de te reprendre, Teddy, pour parler des râteaux, Marie-Pierre, le retour. On va donner maintenant la réponse et peut-être que tu vas repartir avec la PS3 et le jeu Godance, le nouveau jeu Sega qu'on vous offre toute la semaine. Marie-Pierre, t'es prête? Oui. Allez, c'est parti, on y va, on appelle un gagnant, une gagnante, on va voir. En tout cas, si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond correctement à la question, elle gagne. Si jamais elle ne décroche pas ou qu'elle n'a pas la bonne réponse, elle perd. C'est un gagnant qu'on les avons... Allô? Allô, bonjour. Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Lucas. Salut Lucas, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et je t'appelle parce qu'il y a Marie-Pierre qui a une petite question à te poser là. Vas-y Marie-Pierre. Alors... Qu'est-ce qui vous appartient et que les autres utilisent plus que vous? Je pense que c'est le prénom. Marie-Pierre? Oui, c'est ça. Oh merde, enfin pas pour toi, mais bravo pour... Comment tu t'appelles encore? J'ai oublié, merde. Lucas, voilà, c'est ça, ouais. Bravo Lucas. Bravo. Le jeu Godance, il est pour toi, le nouveau jeu Sega qui déchire tout. Là, Sandro l'a testé là, cet après-midi, il était comme une ouf. Et demain, on fera un battle avec Toff et Sandro. Bravo Lucas, tu veux quoi? Tu veux repartir avec la PS3 en plus ou avec l'iPad? Ou rien? La PS3. La PS3, eh ben voilà. Bon, bah Marie-Pierre, désolé, on va quand même te filer le nouvel album d'Avicii pour la tante, Marie-Pierre, d'accord? D'accord, merci. Bon, avec plaisir. Je te fais des gros bisous, Marie-Pierre. Et puis, Lucas, bravo à toi. Le jeu Godance, il est pour toi. Et évidemment, la PS3, c'est ce que tu as choisi. Bravo, Lucas. À bientôt. À bientôt. Salut à vous. Bye bye. Bon, allez, retour avec Teddy, là, maintenant. Teddy qui était en problème, puisque c'était son pire râteau hein, qui va nous raconter maintenant. Là. Alors, le pire râteau. Teddy, dis-nous tout. Bah, le râteau, en fait, c'est simple. J'étais parti en soirée avec des potes. Ouais. Et on décide d'aller en boîte en fait. Et je remarque une meuf qui arrêtait pas de me regarder. Mmh. Et donc au bout d'un moment je vais la voir, je parle un peu avec. Je commence à lui payer à boire, à passer un peu la soirée avec elle, on danse, elle me chauffe. Tu la chauffes, vous vous chauffez, il se chauffe. Voilà, tout le monde se chauffe quoi. Ouais, après, vous êtes bien chaud. Voilà. Donc on passe la soirée, on continue, bon, ça dure pas mal de temps. Mm-hmm. Et en fait, au moment de partir, je reste avec elle, elle m'emmène, normal. Normal. Elle commence à m'annoncer qu'en fait, ouais, bah, en fait, elle est lesbienne. Ah merde. Soirée, t'es dit. Le gros vide, quoi. Ah oui, là c'est con, ouais. Là c'est ouais, très très con. Mais bon, écoute, après ça arrive même au meilleur, hein, comme on dit, hein. Ouais. Bon, bah, et du coup, quoi. De quoi? Celui-là, je m'en souviendrai. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Mais en même temps, t'as passé une soirée avec que des meufs, du coup, non? Ouais, bah. Bon, ça va, t'étais bien. Bon, que des meufs qui étaient pas fans de mecs, ça c'est le côté négatif. Mais au moins que des meufs, c'est pas mal. Ouais, ça va. Ouais, tu t'es bien rincé l'œil, il faut profiter un peu. Mais ça va encore, c'est pas le pire râteau non plus, c'est pas le pire. Non, ça va. Bah, après, ouais. Je passe une bonne fin de soirée quand même. Bah oui, non, mais c'est clair. Attends, on a toujours pas de filles là, je suis très inquiet. Hein. Toujours pas de filles qui ont eu des pires râteaux là. J'aimerais bien que vous veniez nous expliquer ça, mesdemoiselles là. Mais... 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique là, je compte sur vous. Les filles n'ont pas de râteaux, les filles. Et... Non, si, il y en a qui ont des râteaux. Hein, t'inquiète pas. On ne dit jamais non à une fille. Non, si, il y en a qui ont des râteaux, t'inquiète pas, t'inquiète. C'était quoi l'histoire, Toff, chez toi, le râteau là? Je sais pas, tu veux quoi? Tu veux une baffe? Tu veux un truc où on m'a bien foutu la honte? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nous, on a assisté à une baffe de Toff. Ouais, mais c'est dans le minibus. Ah ouais? Dans le minibus. Ouais, merde. On était dans le sud là. Ouais, mais je me souviens pas, tiens. Ah, mais c'était pas dans le minibus, c'était. Comment je s'appelais? Au Jams. Oui, mais t'étais dans le bus. Ah, c'est dans bon, le bus. Bah, c'est pas grave, vas-y. Bon, ouais. Bah, raconte l'histoire. Et ben, donc on est parti dans une soirée, machin, toute l'équipe, on était là, et je sers une meuf. Ouais. Bon, chose exceptionnelle, j'arrive à la serrer. Wow. Ouais. Ah, tu sers, je crois que tu servais un verre. Non, je sers, je la serre, machin, j'arrive à la pécho. Ouais. Et donc voilà, et puis donc on la soirée se passe, machin, ça se passe bien, voilà, mais sans plus quoi, on se quitte à la fin de la soirée, moi je repars avec l'équipe, elle repart chez elle. Voilà, il a pété en même temps, accessoirement. Un peu à la gueule, mais dans la boîte ça sent pas. C'est ça, d'accord. Et donc je sais plus, 3-4 semaines après, on revient dans la même région pour un autre truc. Et le soir, on ressort dans cette même boîte parce qu'on s'était bien plu, le patron était sympa et tout. Et la meuf, elle revient. Sauf qu'en fait, je m'en souvenais pas du tout. Et donc, et là, il a réfléchi, donc forcément. Oh, et donc, je redrague la meuf, je lui redis les mêmes conneries. Et là, la meuf, elle me dit, tu prends vraiment pour un con. Elle m'a mis une grosse baffe, elle s'est barrée. Quel connard. T'es d'accord, Teddy, hein, c'est un bon connard, là, quand même. Hein. Ah ouais, quand même. Quel connard alors. Et bon, il y aura d'autres. Prêt tout. Eh oh là là, il y en aura d'autres des histoires. Vous inquiétez pas, restez bien à l'écoute là. Il y a du lourd, il y a du lourd. Alors, il y a David aussi qui est avec nous là, 18 ans de l'Orne. Salut David. Salut. Comment ça va? Bah super. Bon bah tant mieux. Alors bienvenue à toi David. Alors, c'est quoi ton pire râteau toi? Bah en fait j'étais avec des amis et en fait il y avait une fille qui arrêtait pas de me faire des clins d'œil et m'appeler. Ouais. Et du coup mes potes ils m'ont dit bon bah c'est l'occasion d'aller la voir et lui demander si tu peux se sortir avec elle. Et du coup bah moi comme un con j'ai été la voir. Enfin, j'ai testé hein, quand même. Mmh. Et du coup j'ai été la voir devant elle et je lui ai demandé de sortir avec moi. Et elle m'a dit non, tu me plais pas et tout ça. Et du coup j'étais devant toute une cour et toute la cour elle s'est mise à me regarder. Oh là oh putain. Ah oui, je vois très bien. Ouais. Bah oui, écoute, ça arrive hein. Bah, ça va, oui. Tu t'en es remis là, ça s'est arrivé quand? Bah ça m'est arrivé il y a 2-3 ans. Donc, Ah oh, oui, oh là là, ça va, c'est du vieux dossier donc ça mais va. Mais si tu veux, moi j'en ai une dans le même genre. Ah bah alors vas-y. Je sais pas si tu te souviens, c'était à l'époque où on faisait pas mal de soirées en boîte et donc on était sur une espèce de grande estrade. Toi, t'étais presque DJ à l'époque. J'étais presque DJ, ouais. Voilà, et mixé dans les soirées, dans les mariages, les bar mitzvahs, tout voilà, ça. Non, enfin là, c'était une vraie boîte quand même. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas moi qui mixais. Et donc il y avait, donc on était sur cette espèce de podium, il y avait toute l'équipe qui était là et en bas, il y avait une meuf qui arrêtait pas de faire des clins de regarder genre machin et donc au bout d'un moment je prends mon courage à deux mains et je descends et ouais, c'est merde qui sort avec le caleçon plein de merde 10 ans après non et en fait donc je descends, je commence à la tchatcher et tout et donc je lui fais comprendre que voilà j'avais vu ses petits regards et tout machin. Elle fait ah ouais non mais c'était pas pour toi, c'était pour le mec derrière là-bas. Ça c'est bon ça. Ah j'adore. Ah ouais putain, on avait pas tous ces râteaux là hein. On avait pas, tu vois, finalement il y a pire là David hein, quand même hein. Oh là là là là. Bah ouais, il y a bien pire. Bon bah merci à vous en tout cas d'être passé Teddy et David, hein. Vous revenez quand vous voulez hein. Teddy. Comment tu dis oui Teddy, excuse-moi. Bah Teddy, ouais, tu reviens quand tu veux, David pareil, d'accord? OK. Merci à vous, à bientôt tous les deux. Salut à vous, bye bye. Et on aura, c'est pas vrai, enfin Stéphanie avec nous. Bonsoir Stéphanie. Ah. Steph. Merde, tu vois que c'est la seule. Oh merde, putain, ça a coupé. Oh là là. Bon, on va la reprendre dans un instant, c'est pas grave. Il y a Chris qui dit aussi, moi c'est mon réveil. Ah oui, ça c'est par rapport au réveil justement. Bon, on en parlait. Moi c'est mon réveil branché sur la même radio, c'est fun tout le temps. Bah bien, c'est bien, c'est une bonne chose, Chris. Quentin qui dit, moi j'en ai trois des réveils pour me réveiller. Là, vous me faites planer, vous êtes des ouf. Merci Thibaut sur le Facebook. Clem qui dit, le pipeau, ça fait du bien aussi à ce moment-là précis. Romain qui dit, oh là là, bravo, quelle réplique parfaite. Bravo Polo, coup de pelle dans sa tête. Bah écoute, c'est normal, avec plaisir. Attends, là. Voilà, ça c'était par rapport à ta reprise en version pipeau de Linkin Park. Il y a Romain qui... Ah non, ça je viens de le lire. Prince Nadia qui dit un pot Nutella et Mickaël No Limit, c'est du pur bonheur. Ah bah surtout pour ton cul, le Prince Nadia. Hein, parce que là, comment t'expliquer? Moi, mon réveil, c'est ma mère, c'est Emeline. Il y a Petit Panda qui dit kiffant les sons, énorme le son de Linkin Park que t'as mis tout à l'heure. C'est Everything Magic qui avait mis ça. Merci de l'avoir mis avec plaisir. On le remettra peut-être tout à l'heure avant 2h, tiens. Trop bon le nouveau son de Linkin Park. Trop bon le son de Linkin Park. Céline qui avait envoyé le message. Et Henri aussi qui dit, j'ai invité une meuf au resto. Bien cher et elle. Attends, c'est quoi? Elle m'a largué juste après avoir bouffé. Oh là là là là, ça c'est dégueulasse aussi. Antonio qui dit, vous êtes terrible, je suis en train de bosser, je suis mort de rire, mes collègues me prennent pour un fou. Ben, présente-lui l'émission là, présente-leur plutôt, qui rigole aussi là. Et Hugo qui dit, vous êtes géniaux là, vous m'éclatez, merci à vous. Et merci pour tous vos messages, c'est très gentil. Dorian qui dit, je veux gagner GTA 5. Bah, ça tombe bien, on va l'offrir dans 5 minutes sur Fun Radio. Voilà, si vous voulez le gagner, le GTA 5, à vous de jouer maintenant. Vous venez faire un like sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Et on en a déjà offert tout à l'heure un minuit. On remet le couvert à 1h du mat et on remettra le couvert à 2h. GTA 5 a gagné sur Fun Radio ce soir. Et il est sorti depuis 56 minutes maintenant. Donc on y va. On continue là. facebook.com/MIKL officiel. Et il y a Eric aussi qui dit Tof, il devrait se reconvertir dans le jardinage à force de se prendre des râteaux. oui, c'est vrai. Je peux pas te dire l'inverse. Mais bon, j'assume. Hein, mais oui, mais non, attends, c'est bon. Bon, allez, on écoute Motoleds maintenant sur Fun Radio avec Snow White et on revient juste après avec Stéphanie. Ah, Stéphanie, t'es de retour? Ouais. Ah, très bien. Stéphanie qui va nous raconter son pire râteau dans un instant, n'est-ce pas, Steph? Voilà, c'est ça. Et d'autres histoires de Tof également dans quelques instants. Bougez pas. Avec plaisir. Bah, j'essaye de me souvenir de râteau, mais je me souviens pas là, qui me concerne. Moi j'en ai eu qu'un et il était fatal. Bah, eh ben bouge pas Steph, on va en parler. Polo, des râteaux toi? Oui plein, mais je me souviens plus trop. C'est... Mais moi comme j'ai par fait hasard, un râteau à une fille. Pas. Un jour il y a une fille dans la cour de récréation, elle vient me voir. Elle était moche, hein. Je vous rassure tout de suite. Et elle me dit tu veux pas qu'on sorte ensemble? Je l'ai regardé, je fais plutôt crever. Et quel enfoiré. J'étais un enfoiré. Et je sais pas pourquoi je sorti ça. Et après je me dis ça se fait pas quand même. Mais ah non, ça se fait pas non. Mais je l'ai payé. Pendant 2 ans, je suis pas sorti avec une fille. Ouais, pendant 20 ans même. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Bon, allez, Steph, reste avec nous de Béziers. On va te reprendre dans un instant. Et puis on écoute Motonaise. Ça te va ça, Motonaise avec Snow White? Ouais, parfait. Allez, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Soyez les bienvenus si vous arrivez de plus en plus nombreux. Vous avez été nombreux ce soir à débarquer là sur la page Facebook. C'est très gentil. Facebook.com/Mickaël Officiel. Sur Twitter également, vous tapez Mickaël Officiel. Et si vous venez nous rejoindre sur le Twitter, eh bien, sachez que si vous me faites un follow, eh bien, moi je vous ferai un follow également par derrière pour les filles évidemment. N'hésitez pas, Twitter, vous tapez Mickaël Officiel. Je vous attends sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, Mickaël No Limit jusqu'à 2h. C'est Fun Radio et Motonheads. À l'instant c'était Snow White. Mickaël No Limit. Tous les soirs 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio. Il est 1h du mat, soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. On va se faire le gagnant GTA aussi dans 30 secondes là. Si vous avez envie de jouer, on l'a pas encore tiré au sort. Il suffit simplement d'aller sur le Facebook de l'émission, Facebook.com/MIKL officiel. Voilà, vous cliquez sur la photo où je tiens le GTA 5, la pochette de GTA 5 là, et vous allez pouvoir choisir PS3 ou Xbox évidemment. On vous l'offre toutes les heures sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. On a commencé tout à l'heure à minuit, on en a filé un à minuit, on va en filer un autre maintenant là dans 30 secondes. Et puis en attendant, on va faire quelques appels évidemment, puisque vous avez été nombreux à nous donner des numéros de téléphone de gens à appeler. Allons-y. Eh ben voilà, le principe est simple. On a un rendez-vous demain avec le boss à 13h. On vous mettra des photos, hein, vous inquiétez pas, demain soyez vers sur Facebook, Twitter vers 13h, 13h30. Enfin. Mais si on a rendez-vous, parce que la semaine dernière on avait rendez-vous avec le boss, il nous a mis à lapin parce que je crois qu'il a eu peur de nous. Je pense, hein. Du coup, on a été obligé de gratter pour manger. Voilà, c'est ça. Donc du coup, bon là, là demain, bah moi je préviens Jérôme, si tu nous écoutes, c'est lui le grand patron de la radio. Je ne mange pas jusqu'à demain midi. Comme ça, j'aurai bien faim, je mangerai assez frais. Non mais c'est vrai, attends, il y a pas de petites économies. Attends. Surtout pas quand. Non mais c'est vrai. Attends, on est invité 2 jours pour. Ouais, bah, on est invité par le boss. Là, il va dire non, bah alors demain, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà prévenu le resto, j'ai dit préparez bien la cuisine, hein. Préparez du stock parce que on va débarquer là, donc bon, donc du coup, on verra, en tout cas, on fera les photos demain. Et donc bah voilà, donc on a rendez-vous à 13h pour revenir au sujet, et bah Toff a peur de pas se réveiller, comme il a du mal à se réveiller. Bah oui, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. C'est tout le temps bizarre. Peut-être. Donc du coup, ben on va appeler quelqu'un. Enfin, on va appeler des gens maintenant pour voir si éventuellement tu peux te faire héberger de manière à ce qu'ils puissent te réveiller demain matin. Exactement. Voilà. Donc merci pour vos numéros que vous avez envoyés à Sandro au standard. C'est gentil. On appelle maintenant. C'est parti. Allez, hop là. C'est parti. Premier appel. Et si vous avez des gens qui sont encore debout, n'hésitez pas à nous transmettre. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelais pour savoir si c'était possible que je vienne dormir chez vous. Ma bite. Je vois pas le rapport, monsieur. Ouais, mais moi je veux le rapport, connard. Enfin, monsieur, pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Bon, donc je disais, si vous avez des numéros 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, mais quel est le rapport? Le gars est plus chelou que Toff encore. Ah ouais, complètement. Vas-y, on le rappelle. On le rappelle. Bien sûr qu'on va le rappeler, attends une seconde, c'est parti. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Je peux venir dormir chez vous? Ma bite. Quoi? Ces gens-là, maintenant, il va plus raccrocher. Là, genre, là, il dort. Allô? Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché et j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi je voulais venir dormir chez vous. Non, mais je m'en fous. Arrêtez d'appeler, là. Mais oui, mais enfin, parce que j'ai peur de pas me réveiller demain et donc je voulais être sûr que vous puissiez me réveiller. Ouais, c'est ça, vas-y, dégage. Ah dis donc, bon accueil, bonjour hein, chez mec là. Putain, il est vraiment cool là. Pour le mec, tiens. Voilà, c'est tout ce que je lui mets dans la gueule. Oh, quoi qu'avant de partir, voilà. ça me paraît honnête. Bon, on a reçu un numéro à Bruxelles, on va téléphoner là-bas. Oui. Pourquoi t'as peur d'appeler à Bruxelles? Bah je sais pas, ouais, on peut. Non mais écoute, je sais pas. C'est des fois que t'as des casseroles à Bruxelles, je sais pas moi. Des casseroles, j'ai des casseroles partout. Il a une cuisine complète à Bruxelles. Il a la cuisine complète. Bon allez, on appelle, c'est parti. On va à Bruxelles maintenant là. Voir s'il y a moyen d'éventuellement héberger Toff. Allez. Voilà. Alors, ça dort ou quoi à Bruxelles? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelais pour savoir si c'était possible que je vienne dormir chez vous ce soir. Bah voyons. Bah non, mais en fait, je vous explique, c'est parce que j'ai un rendez-vous très important demain. Et du coup, j'ai peur de pas me réveiller parce que j'ai un peu de mal en ce moment. Et donc, je voulais savoir si vous auriez pu, vous, me réveiller. Ah, non, super. Elle aurait pu me raccrocher au nez. Ah, elle aurait pu, ouais, elle aurait pu. Mais elle l'a fait d'ailleurs. On va la rappeler, direction Bruxelles de nouveau, là. Allez, c'est parti, on rappelle. On va quand même être bien éduqué. C'est la capitale de l'Europe, quand même, merde. Allô? Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui. Oui, voilà, en fait, je voulais savoir si c'était possible que je dorme chez vous ce soir. Parce que, en fait, j'ai un rendez-vous important demain et j'ai peur d'arriver en retard. À Bruxelles? Pardon? À Bruxelles. Non, pourquoi? Vous téléphonez à Bruxelles, parce que c'est pour ça que je demande si c'est bien ici à Bruxelles que vous voulez dormir. Bah non, mais vous êtes pas à Bruxelles. Ah, vous savez pas qu'on peut faire des renvois d'appels à l'étranger? Ah, vous êtes parti en vacances. Voilà. Ah, bah oui, alors forcément, mais du coup, il y a personne chez vous. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah bah oui, mais ça m'aide pas, parce que s'il y a personne, ça m'intéresse pas, parce que moi j'ai besoin que quelqu'un me réveille demain. En plus? Ah bah c'est ça le truc en fait, c'est parce que j'ai vraiment des difficultés à me lever en ce moment. Et du coup, comme je veux pas rater mon rendez-vous demain, parce que c'est un truc hyper important, du coup, je voudrais que quelqu'un me réveille, quoi. Oui. Voilà. Et donc, il y a une autre solution, hein, demandez à vous faire héberger au commissariat de police. Ah bon? Oui, il n'y a pas de problème, ils vous réveilleront. Hein. Ah, vous pensez que je peux faire ça? Vous pouvez toujours essayer. Bon. Bah, avec une bonne dose d'humour, à mon avis, ils vont s'occuper de vous. Ah bah écoutez, je vais appeler alors, monsieur. C'est vraiment gentil de votre part. Oui, merci. Bah voilà. Reste 80 numéro 2. Par contre, pour le monsieur qui habite à Bruxelles, on dit Bruxelles, pas Bruxelles. Hein, donc j'aime bien parce que lui, il y habite et déjà, il ne sait pas comment ça marche. C'est un faux. Ouais, mais non, ça a été transféré, je sais pas Oui, c'est un faux, il habite pas là-bas. Oui, non, bah, ça s'entend en tout cas. Enfin bref. Bon, tout ça pour dire qu'on va appeler un numéro de un commissariat là. Bah allons-y. On va essayer de trouver un commissariat dans un instant. Moi, je propose qu'on appelle le commissariat d'à côté de chez Sandro. On peut rigoler. Oui, on peut éventuellement appeler à Sandling, pourquoi pas. Oui, eux vont pas rire, je pense. Écoute, on va les appeler, on va voir. Bon, en attendant, on va récupérer Stéphanie avec nous, Steph de Béziers. Bonsoir Stéphanie, 30 ans. Bonsoir. Stéphanie. Voilà. Et tu t'es pris une tôle, toi? Ouais, enfin, elle date, hein. Ah, elle date. D'accord. Là, t'es avec quelqu'un? Non, là, je suis pas avec quelqu'un particulièrement. Comment? Attends, on va peut-être arranger ça tout de suite. Alors, Stéphanie, s'il vous plaît, arrêtez, circulation arrêtée, là. Stéphanie, combien mesures-tu? 1m57. Combien pèses-tu? 44. Ah. Quel est ton tour de poitrine? Ouais, du classique, 85D. D'accord. Et la taille des pantalons que tu as acheté? Pardon? Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Ah oui? Ah oui? Toff arrive! Ah oui, oui. Bah oui, non, c'est pas mal. Elle hein. Est pas mal. Et les yeux, quelle couleur? Quelle couleur les yeux? Vert. Ah. Vert. Et le mec, t'as mis un râteau, mais il est con, quoi. Ouais, il était, ouais, je confirme. Ah bah oui, là, il est complètement con, ouais. Bon, bref, bah écoute, Toff peut arriver à tout moment, alors. Ah bah oui, grave, moi, je peux partir tout de suite. Bon, bah très bien. Le Béziers, si t'as rendez-vous à Paris à 13h demain, ça va faire just, hein. Ouh, il a déjà trop, là. Eh, t'inquiète pas, comment t'expliquer que lui, il peut démarrer à tout moment, là. Attends, il met le nitro, là. Mais j'accours. Et il démarre avec la mobilette. Au voilà. Pire, on a le paquebot. Oui, mais après, c'est plus compliqué encore. Hein, ouais, pour, c'est vrai, tu vois. Bon, enfin bon. Ouais, le problème, c'est de le garer surtout. Bah oui, c'est ça. Un peu à Béziers, il y a des petites rues en plus. Hein, donc bon. Ouais, en plus. Enfin bon. Bon, Stéphanie, toi, c'est quoi ton râteau alors? Dis-nous. Alors, mon râteau, c'était un mec dont j'étais folle amoureuse, le beau gosse du collège, machin. Et j'ose lui dire que je veux sortir avec lui. Je veux juste te couper deux secondes pour qu'on place. Tu avais déjà ces mensurations-là à l'époque? Ouais, déjà. Vas-y, continue. Et en fait, le jour où j'ose lui dire que j'aimerais sortir avec lui, lui, il m'annonce que non, je suis simplement une super pote, mais par contre, il veut bien que je lui arrange un coup avec ma meilleure amie. Oh, oh merde. Oh l'enculé. Oh le râteau. Ah ouais, Oh l'enculé. C'est le râteau de la mort. Je m'en suis pris qu'un, mais il m'a bien fait mal, quoi. Ouais. Alors qu'avec Toff, tu te prendras pas de râteau, hein. Ah non, ça, jamais avec moi. Il se fera oublier. Ah oui, complètement. Mais et depuis, tu t'en es pas pris d'autres? Pas aussi ouvertement, des trucs plus classiques, plus correct, quoi. Après, tu y allais moins sûr de toi, quand même. Beaucoup moins, ouais. t'es en panique après. Tu m'étonnes. Après, tu perds un peu confiance en toi, je confirme. Ouais. Ah, mais le problème. Ah, c'est ça le problème, c'est quand tu vas demander au beau gosse du. Au beau gosse, quoi, tu vois. Il faut toujours commencer par en bas. Non, mais après, je te rassure, le beau gosse, je l'ai revu très récemment. Et franchement, bah, franchement, ouais, grave. Toujours. Mais ça arrive souvent, hein. Toujours. Ça arrive souvent, et c'est avec eux. Il se tape un boulet fini. Voilà. Et moi, je me vois à côté à 30 piges et je suis super fière de moi, quoi, tu vois. Moi, j'ai vécu pareil. La meuf, mais super. Je croyais que t'allais dire, moi aussi, à l'époque, j'étais super bien. Non, mais il sait qu'il peut pas mentir puisqu'il te connaissait. Voilà, déjà, on se connaît depuis l'époque. Ouais. J'étais beau gosse à l'époque, tu vois. Non, la meuf. Quel beau gosse. Super mignonne. Franchement, tout le monde voulait se la serrer et là on l'a et t'as osé et non. T'es pas chaud. Et donc on a refait une soirée genre tu sais le truc 20 ah merde après, excusez-moi 20 ans après l'école hein, et la meuf est venue, je l'ai pas reconnue, la meuf elle fait 200 kilos enfin c'est j'étais trop triste, c'était un mythe, un mythe de ma jeunesse. Non, c'est pathétique, ouais, je confirme. Mais... ouais. Non mais c'est attends c'était toutes mes branlettes de ma jeunesse et il est dégueulasse. Sans déconner quoi. Même les mecs ils sont outrés quoi. Ah oui attends, mais bien sûr. Attends moi. Scandaleux. Attends je rentrais des cours, je me branlais en pensant à elle et là c'est ça qui arrive au resto. Alors que là il pouvait toujours se branler dessus mais finalement il s'est arrêté quoi. Ah bon on aurait pu se branler à 15 dessus. Hein. Super merci. Salaud parti. Quelle horreur. Super classe. Ah ouais mais bah oui. Désolé, Stéphanie. Pardon. Ouais mais c'est en même temps c'est off hein, qu'est-ce que je te dise. C'est voilà, comme ça. Bon. Du coup ça va, t'as pas l'air non plus trop perturbé quoi. Non mais carrément pas. Je l'ai été un petit peu mais bon ça m'est vite passé en fait. Ouais. Avec bon. Les mensurations qu'elle a, si elle trouve pas de mec, je m'inquiète. Hein. Je suis là. Hein. Ouais non mais t'inquiète, j'ai pas de problème de ce côté-là. Non, je sais bien ce qui me semblait. Voilà, donc et en même temps, t'inquiète pas, on ne s'inquiétait pas non plus, hein. C'est ça. On se doute bien que après, tu n'as pas trop de problèmes. Je suis déjà maman en plus et ça rajoute un petit plus quand même. Ah t'es déjà. Bah comment ça un plus? Bah non, en général c'est plutôt l'inverse, non? C'est un mois. Hein. Et si, parce que. Non, c'est pas un mois du tout. Parce que quand tu dis que t'es déjà maman et que t'as quand même encore ces mensurations-là, ça booste un peu quand même. Ouais. Je suis boosté moi depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est, il est complètement boosté. Et Polo veut bien adopter, y a pas de problème. Je j'adopte. Ouais. Bon, il adopte qu'un soir, mais il peut adopter, c'est pas un problème, effectivement. Bon, et bah écoute, merci en tout cas Stéphanie d'être venue là. Tu reviens quand tu veux, surtout. Hein. Bah avec plaisir. Allez, gros bisous Stéphanie. Gros bisous, bonne soirée. Je t'embrasse. Salut à toi Stéphanie. Allez, ciao à toi. Bye bye. Bon, allez, c'est parti. On va donc offrir maintenant GTA 5. Allez, c'est parti. Bon, je démarre la caisse là, attention. Voilà, ça y est, c'est parti. Et on appelle maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Moi j'ai un 4 litres 5 alors. Un braquem en tête. Eh oui. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathieu. Salut Mathieu, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun, c'est pourquoi je t'appelle? Ah ouais, c'est pour GTA. Mais oui, c'est pour GTA. Putain, je vous aime les gars. Oh, t'as vu un peu. GTA 5, on va te filer ça, Dido. Alors, attends, tu peux choisir. Soit tu prends GTA 5. Sur PS3. Attends. Soit tu prends GTA 5. Soit ouais. Tu prends GTA Mob. Mais... GTA 5. Alors, tu prends quoi? Je prends GTA 5. Eh ben mec, t'as tort, hein, parce que dans GTA Mob, il y a des histoires de ouf. Hein, et il y a Toff dedans. Voilà, et c'est parce et que... je suis avec le paquebot, moi. Sinon, il y a GTA bah, Toff, mais... justement. Sinon, il y a GTA Toff, mais c'est ça, quoi. Ouais. Ça démarre pas. C'est une bagnole de voilà. Merde. Voilà, GTA 5, c'est le GTA V, tu vois, tu sais, en chiffre romain, puis après, il y a le GTA T. Le GTA T, c'est ça. Et là, le drame, la catastrophe. Bon ben GTA 5, il est pour toi, bravo à toi. Comment tu t'appelles encore, rappelle-moi? Mathieu. Mathieu, voilà, c'est ça. Mathieu, c'est pour toi, GTA 5. Tu vas pouvoir te la ramener auprès de tes potes sur PS3, tu veux, c'est ça? Ouais. Et ben voilà, il est pour toi, pas de problème. C'est pas une petite dédicace. Allez, vas-y. Ouais, spécial dédicace à Lucas, hein. Je sais que t'es en train de bouffer, que t'es en train de jouer gros porc, mais t'as le seum. Merci. Et tu lui dis aussi que jamais de la vie il touchera à ton jeu. Jamais de la vie tu toucheras à mon jeu. Enculé. Enculé. Parfait. Ouais. Enculé de ta mère aussi. Oh, oh la violence. Parfait. Mais quelle bon. Violence. Allez, terminé. Tout le monde descend là. Bon bah salut à toi en tout cas. Bravo. Et puis pour le GTA 5. Et puis il y en a d'autres encore. Il y a encore resté encore un à gagner avant 2h du mat si vous voulez gagner. Hein. Et pour les coordonnées, on fait comment? Et pour bah tu restes au standard, je te passe Sandro au standard maintenant. Ok, merci. Je t'en prie. Il y a salut. Des GTA T à fond de balle là. Ouais, il y a des GTA Toff aussi à gagner, ouais. Hein, n'hésitez pas, c'est. Voilà, c'est voilà, salut à toi, pas de problème. Il y a la version 2 aussi, il y a le GTA 2, GTA T2 évidemment, c'est ça. Voilà, c'est... L'accident bête, quoi. C'est... Oh, le jeu de merde. C'est ça. Voilà. Voilà. Bon, bah, j'étais si athée. Ah, ça arrive, hein. C'est, voilà, c'est mais on des... en a plein, allez-y. Mais par contre, c'est sur PS1. Donc non, faut le savoir parce qu'il faut encore avoir la console quoi. Donc il y a GTA 5 sur la PS3 ou la Xbox ou ce que vous voulez. Puis après il y a le GTA T, donc GTA Tof. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Bon, ça marche sur PlayStation 1, donc bon bah voilà. Oh là là. Ça vous savez. Bon, encore un GTA 5 à gagner avant 2h du mat sur Fun Radio. Donc si vous voulez le gagner, hop là, vous n'hésitez pas, dès maintenant, vous allez sur le Facebook, sur la page de l'émission, vous tapez Mickaël officiel sur Facebook et puis vous likez la photo où je mets la pochette de GTA 5 qu'on vous offre ce soir. On l'a là hein, en PS3 ou Xbox 360. À vous de choisir, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis je vous offre également la possibilité de venir nous rejoindre sur le Twitter de l'émission. Là, vous tapez Mickaël officiel et si vous me faites un follow, et ben moi aussi je vous fais un follow juste derrière. Voilà, donc venez nous rejoindre. J'en ai followé une centaine là ce soir déjà. Et je ferai pareil dans quelques instants. Voilà. On est toujours au cœur de plus de 2h sans pub sur Fun Radio. Soyez les bienvenus, c'est Mickaël No Limite jusqu'à 2h du mat. Dans un instant on a Adrien avec nous. Bonsoir Adrien. Bonsoir. T'appelles pourquoi, dis-moi? Je m'appelle. Oula, toi tu appelles parce que tu as une téléphone de merde, Adrien, hein? Ah oui, on t'entend pas. On va te rappeler Adrien, là, bouge pas de là, c'est pas grave. On va te rappeler dans un instant. Bon, on va revenir aussi dans quelques instants avec tous les messages qui arrivent aussi sur le Twitter de l'émission, notamment Twitter et Facebook avec Let's Be Freaks qui dit je veux t'offre tout court moi. Bah si tu veux Let's Be Freaks ça. Hein. Nous après mais ce serait bien que tu tapes un peu plus dans le haut de gamme quoi parce que bon, là, si t'as du blé, nous si tu peux nous donner de l'argent, on peut même te le laisser voilà, pour une semaine. Hein. Sans problème. Et Jordan qui dit Jordan ou Thierry, alors, je sais pas quel est le prénom. Comment on peut dormir avec vous? Vous êtes trop des ouf, sérieux, merde, pas possible d'aller dormir, on n'a pas envie d'éteindre la radio. Mais ça tombe bien justement, ça tombe bien. Et ben en même temps, t'inquiète pas, hein, si jamais t'éteins la radio, c'est pas sur Tof que tu peux compter pour venir te réveiller. Hein. Allons ça. Voilà. Véro qui dit à défaut de pas gagner GTA 5, je veux bien GTAT. Dame ceci qui dit un commissariat, bande de fous, ça va être marrant ça. Ouais, on va faire ça dans un instant, on va appeler le commissariat pour voir si Tof peut aller dormir là-bas, histoire de se faire réveiller demain. Voilà, ça me paraît un bon plan. Mais oui, bah. Très écoute, bon plan même. En plus, je pense que c'est des gens très sympathiques. Tout à fait, mais je pense. On va appeler à Saint-Denis en plus, hein, dans le 9-3. Donc on va être bien, sympa. On va être bien. Et on fait ça juste après le son de Showtech sur Fun Radio que vous avez découvert évidemment sur Fun Radio dans Mickaël No Limite. C'est Booyah. Yes, all we care about is I'm fighting, keeping them good vibes in the end. Le son de Showtech sur Fun Radio, c'était Booyah. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Exactement. Et tout à l'heure, restez encore là puisque je vous cale. On l'avait demandé, le nouveau son de Britney Spears. Ouais, je sais, on vous l'a déjà mis. C'est pas grave, on vous l'a fait découvrir hier et on vous le remet encore un coup. Elle est plutôt contente. Voilà, nouveau Britney et nouveau Linkin Park également. Voilà, nouveau Linkin Park, on vous mettra tout à l'heure A Light That's Never Come. Linkin Park et Steve Aoki, voilà, ça arrivera tout à l'heure sur Fun Radio. Restez bien là, plein de messages aussi qui arrivent là ce soir. Avec petit point qui dit Booyah, l'orgasme arrive là, grâce à vous, j'atteins l'orgasme tous les soirs. Et bien tant mieux. Ah ben nous on peut pas l'atteindre petit panda parce qu'on atteint l'orgasme seulement avec des gâteaux que tu nous as promis il y a un mois et on les a toujours pas eu petit panda là. David aussi qui dit salut débarre avec vous, je suis au boulot, ça met un peu de bonne humeur là. Bon courage à mes collègues la sécu qui tournent comme moi ce soir. Ouais, bon courage à tous les taxis aussi là qui sont en train de rouler. Hein. Camionneurs, ceux qui vont préparer les petits déj, ceux qui travaillent de nuit. Ceux qui torchent le cul des petits vieux, ben, ils sont là aussi. Hein. Ouais, ah ouais, là, il faut penser à tout ça. Alexis aussi qui dit, là, vous déchirez les gars, je vous écoute tout le temps. Le son de Showtech, il est juste énorme. C'est pour ça qu'on te le met. Merci Alexis. Emeline qui dit, Tof, t'es dégueulasse. Ça, c'est vrai. Non, et je puis quand... pourquoi elle dit ça. Ouais, ouais. Et Quentin qui dit, ça va ma bite. Ah oui, ça, c'était par rapport à l'appel qu'on avait fait tout à l'heure, où Tof demandait de se faire héberger et que le mec, il dit, ma bite. Mais c'était gratuit, quoi. Donc, on n'a pas compris. Bon, donc, on va encore rappeler des gens. Là. Adrien, tu bouges pas, hein, t'as 5 minutes encore. Ouais, c'est bon, y a pas de soucis. Bon, parfait. Donc on va appeler des gens maintenant, puisque ben Tof a du mal à se réveiller. Demain on a un rendez-vous important avec le boss de la radio et ben il a peur de pas se réveiller quoi. Donc on a déjà appelé à Bruxelles, on a appelé je sais pas qui, hein, celui qui était, il disait ma bite, je sais pas où on était, mais c'est pas grave. Et donc pour l'instant c'est pas terrible. Et quand on a appelé chez le mec à Bruxelles, il nous a dit qu'appeler dans un commissariat, ça serait peut-être mieux. Peut-être, on bonne peut idée. Essayer. Donc on va appeler à Saint-Denis maintenant, là, attention, c'est parti. Direction le commissariat de Saint-Denis pour voir s'ils peuvent éventuellement nous héberger. Saint-Denis, j'écoute. Oui, oui, bonsoir monsieur. Je suis bien au commissariat ? Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que voilà, demain matin, j'ai un rendez-vous hyper important et j'ai peur de pas me lever. Et on m'a dit que peut-être vous pourriez m'héberger et me réveiller demain matin. Non, pas du tout, non. Ah bon, parce que je viens d'appeler quelqu'un qui m'a dit d'appeler au commissariat, vous pourriez me rendre ce service. Mais pourquoi vous avez peur de pas vous réveiller ? Ben, parce que, en fait, c'est reconnu comme une maladie, en fait, j'ai énormément de mal à me réveiller en ce moment. Non, non, mais non, on héberge à la rigueur les SDF. Ah oui. Et encore, parce qu'on n'a pas de place pour héberger, donc... Ah oui, mais peut-être vous pourriez envoyer une patrouille pour me réveiller demain matin ? Non, non. Hein, vous... Non monsieur, on est débordé, on est pris tout le temps donc. Ah oui, mais vous mettez juste le gyrophare dans la rue, comme ça au moins ça me réveille et. Non monsieur, ça peut pas être possible. Ah c'est pas possible non plus ça. Au revoir. Oh, ça va, franchement. Ouais, ça va, ouais. Ah, ça ouais. Va, ouais, ça, enfin, va. Ça va, il était quand même bien sec. Hein. Oui, oui, oui, oui, mais on a reçu un autre numéro aussi d'un autre commissariat, Guyancourt, on appelle là-bas. Ouais, vas-y. On va essayer, hein. Bon, on verra bien. C'est plus cool. Oui, oui, bah écoute, on verra bien. Allez, c'est parti, on essaye. Puis on te reprend juste après, Adrien, bouge pas, hein. Allô. Oui, allô, je suis bien au commissariat. Tout à fait, de Guyancourt. Oui, voilà, en fait, je voulais savoir si c'était possible que je vienne dormir chez vous ce soir. Ah. Oui, parce que en fait, voilà, j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à me réveiller en ce moment. Et comme j'ai un rendez-vous très important demain, je voudrais être sûr que quelqu'un me réveille. Et alors, du coup, j'ai appelé des gens, on m'a dit que peut-être vous pourriez m'arranger ça. Nous, on fait l'accueil des SDF, mais... Ah oui. Mais on n'est pas là pour réveiller les gens. Ah oui, mais peut-être ou peut-être vous pourriez m'envoyer une patrouille. Bien sûr, oui, on a que ça à faire. Ah c'est vrai ? Vous pouvez envoyer une patrouille à la maison alors pour me réveiller demain matin ? Il n'y a pas de souci, monsieur. Bon, alors si vous pouviez me réveiller vers 9h, ce serait parfait. Bien sûr. Hein ? On fait comme ça alors, monsieur ? On fait comme ça. Bon, bah, c'est super gentil, hein, monsieur. Vous retrouverez le numéro, enfin l'adresse avec le numéro ? Oui, tout à fait. Ah bon, bah, c'est parfait. Bah, je vous remercie, monsieur. Vous êtes vraiment trop sympa dans la police. Au revoir. Merci, hein, monsieur. Bah voilà. Ils sont top là, non? Ah ils sont cool, ouais. Bah ouais, bon on a d'autres numéros là, on va les appeler encore tout à l'heure là, rassurez-vous, on appellera ça d'ici quelques instants. Chris qui dit personne veut héberger le pauvre Top, bah si la police apparemment quand même. Non, non alors... ils veulent bien venir me réveiller. Ouais, te réveiller en l'occurrence. Et Clem qui dit mort de rire, envoyer une patrouille pour te réveiller, là c'est pas mal ça. Oui, c'est la grande classe, c'est la grande classe. Bon, bah on a perdu Adrien, c'est pas grave, il y a Arnaud qui est avec nous là, on rappellera Adrien dans un instant. Salut Arnaud. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Bah écoute, plutôt tranquille hein, Arnaud, hein. T'appelles pour quoi toi, dis-moi? Alors du coup, c'était pour avoir, en fait j'ai écouté tous vos conseils, enfin toutes vos histoires de râteaux prises par les meufs et tout ça. Genre toutes et les histoires, c'est genre on est l'équipe des cassos quoi, tu vois. C'est Bracassé FM. C'est ça ouais. Non et du coup ça en fait moi ça me faisait bizarre un peu parce qu'en fait moi justement c'est des conseils, ce serait pour avoir des conseils pour un premier rendez-vous en fait du coup. Ah ouais, ok, premier rendez-vous mais. Prends une douche. Oui, déjà effectivement lave-toi, sois propre, mais ça c'est déo. La première chose. N'oublie pas le déo, n'y va pas le pistolet chargé, donc branle-toi avant. Ah non mais. Ouais, attends, bah oui, non mais bien sûr, non mais. On sait jamais. Ouais. Bah attends, ça se trouve, premier soir, il va peut-être coucher avec elle, on peut pas savoir. Capote en poche, évidemment, c'est juste pour pas être trop rapide, quoi. Alors. Mais alors, t'en as 18 ans, t'as jamais eu un rencard, Arnaud? Brosse-toi les dents. Bah en fait, si, j'en ai déjà eu, mais le problème, c'est que ça a jamais vraiment, vraiment marché. Et donc, du coup, bah, c'était juste vraiment pour savoir si, ce qu'il fallait faire pour vraiment que ça marche cette fois, quoi. Et tu penses que ça vient de toi, que ça marche pas? Bah en fait je sais pas trop, enfin j'ai jamais trop réussi à cerner le problème donc du coup je sais pas mais. Explique à Polo comment tu faisais habituellement. Explique comment tu faisais pour draguer, vas-y dis-nous, effectivement, ça pourrait nous intéresser. Non, attends, là tu dragues pas, t'es en rendez-vous là. Ouais. Ouais, bah en fait c'était juste, enfin moi je pense qu'en général ce que je faisais c'était que j'essayais de m'intéresser à la meuf et genre de voir ce qu'elle aimait, de ce qu'elle aimait faire, des trucs comme ça, des passions qu'on aurait pu avoir en commun, tu vois. Mmh. Et puis après, bah, au fur et à mesure de la discussion, bah, je commençais à aller sur des sujets un peu plus sérieux, on va dire. Genre si elle avait déjà eu des relations avec des garçons déjà avant et tout ça. Et puis bon, bah à mon avis, bah je pense que c'est ça qui t'a fait un peu, je pense. Donc du coup, voilà, c'était vraiment pour avoir vraiment des conseils cette fois, pour vraiment pas me gourer, quoi. Et bah laisse-la. Et tu sais ce que c'est quoi la grande technique, c'est laisse-la parler. Écoute-la. Dis-lui oui. Ouais, mais ils aiment bien, ouais. En voilà. Plus, ils aiment bien qu'on les écoute, tout ça, là, etc. Là. C'est vrai, hein. Que personne les écoute. Mais en après, fait. Attention, il faut aussi avoir. Non, mais il faut aussi avoir la conversation, parce que si tu fais qu'écouter, elle va dire putain, mec, il a rien à dire, c'est une horreur. Oui. Oui, bah oui, non, mais d'accord, ok, c'est. Tu vois, laisse-la parler, écoute-la. Ouais. Elle a toujours raison, quoi qu'il arrive. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai, Polo. Si, il faut qu'il. Si, fais comme ça. Elle va pas aimer. Fais-moi confiance. Bon. Elle a raison. Alors comment t'expliquer que... Je vous signale juste un truc, moi je n'ai jamais utilisé la radio contrairement à Tof pour draguer. Ah, moi je ne fais que ça. Je n'ai jamais pécho une seule meuf ouais. pour la radio, avec la radio. J'ai pas le choix, moi. Sinon, je j'aurais jamais rien pécho de ma vie. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es célibataire, Polo? Je suis célibataire, ça ne veut pas dire que je couche avec des filles. Ça fait très longtemps. C'est-à-dire que je n'ai pas eu une fille à mes crochets ouais. qui me prend la tête. Ouais, ouais. Oh, ça fait longtemps. Alors utilise la radio. Le vrai truc, c'est quand l'addition arrive, tu lui dis on baise ou on partage. Ouais, ça tu peux essayer aussi. Bon, pas sûr que ça marche très bien. Hein. Non, fais pas ça. Pas sûr que ça fonctionne très bien. Dites-nous les filles, tiens, si vous avez déjà des plans bien précis quand vous êtes en premier rendez-vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bah, qu'est-ce que t'aimes, toi, Sandro? Premier rendez-vous, là. Qu'est-ce que t'attends d'un premier rendez-vous? Voilà. Parfait, je pense que là on est bien là. C'est exactement ça. Et non, menteur, elles adorent qu'on leur ment. Je rebondis juste sur le conseil de Polo. Pour le coup, moi je ne conseillerais pas à Arnaud de lui dire qu'elle a raison sur tout. Parce que. Arrête Sandra. Mais écoute, là tu me laisses pas expliquer. Arrête. Oui, je serais contente d'avoir toujours raison. Sauf qu'en fait, ça va pas me plaire inconsciemment. On a quand même envie d'un mec qui nous rentre un peu dedans ou qui nous remet c'est en place. Le cas après. Ouais, mais t'inquiète pas, ça Tof, il va le faire. Hein. Il va te rentrer dedans. Ça en va vrai, nous énerver sur le coup, on va être vénère, mais moi c'est comme ça que je m'accroche après. D'accord. Je voulais rebondir sur le fait qu'avant elle a bien démontré ce qui fait les femmes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Ouais, et c'est vrai parce que je dis ça aujourd'hui, mais demain ça peut changer mon discours. Hein. Demain son discours va changer, effectivement. Bon, Arnaud, est-ce que t'as reconnu éventuellement les meufs là-dedans? C'est-à-dire? Dans ce que vient de dire Sandro, tu vois, genre je sais pas. Oui, en fait, plutôt dans le genre, je sais pas trop ce que je veux, oui, un peu, mais. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Mais sinon, oui, après, ça dépend de chaque fille, en fait. D'accord. Hein, voilà, je vais même vous dire un truc, parce que tout le monde me traite de mytho sur Twitter. J'ai même pécho deux japonaises avec photo à l'appui sur mon Facebook alors qu'elle parlait pas ni français ni anglais. Et c'est là que la technique du tu as toujours raison à fonctionner. Ouais, très bon toi. Et ouais. Bon. S'il y a un deuxième mec qui a un rancard aussi, hein, comme ça on essaye les deux méthodes. Oui, pourquoi pas. Arnaud ouais. il fait la méthode toujours cool raison et un deuxième mec qui ferait une autre méthode. Ouais, pourquoi pas, c'est une idée. Bon, bah écoute, reste avec nous Arnaud, on va demander l'avis des filles. 01 42 48 5000. Bon, si vous êtes un mec, vous avez des conseils à filer à Arnaud, allez-y. Et si vous êtes une fille, j'attends maintenant vos attentes, mesdemoiselles. Qu'est-ce que vous attendez d'un premier rendez-vous? Comment est-ce que vous aimez que le mec soit? 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a le Prince Nadia sur le Twitter aussi qui dit bras cassé FM. Ah non, c'est tout le contraire, beau gosse FM. Oh, tu dis ça pour moi, le Prince Nadia, c'est gentil. Bah, évidemment. Et Lusitano 76650 sur le Twitter qui dit bonsoir, je suis l'émission depuis 2 semaines et j'adore, je suis plié de rire tous les soirs. Oh ben merci, c'est gentil. Bienvenue à toi en tout cas sur Fun Radio. C'est Faroudine ou Faroudin, je sais pas. Mickaël fait une dédicace à Morgane. Elle se reconnaîtra, elle écoute là. Bisous à toi. Eh ben bonsoir à toi Morgane. Emeline Polo, tu n'as pas de cœur. Il y allait un peu fort Polo avec la meuf. Ah oui, celle qui a été la draguée à l'époque quand il était au bahut. Et il a dit plutôt mourir. Et alors Lesbiflux qui dit j'imagine juste une fille dire à son copain, vas-y, follow-moi par derrière, je suis plié. Oh je suis sûr il y en a, hein, c'est pendant qu'ils sont en train de baiser là. Vas-y, follow-moi par derrière. Va savoir. Qui est bête. Tu sais pas là, est-ce que tu connais les choses que t'as? Hein? T'imagines pendant que t'es en train de niquer avec ta meuf, tu dis ça texto. Tu te rends compte de la chance que t'as? Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Hein? Claquer de cuisseau, sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et Clara ici qui dit aussi les jeux de foot, de guerre, de voiture, etc. sont autant pour les filles que pour les mecs. Bon là, bien vu ce soir, hein. Un gagnant, une gagnante pour GTA 5. Et le dernier exemplaire de GTA 5 est à gagner ce soir sur Fun Radio. Le dernier exemplaire est à gagner dans moins de 30 minutes. À vous de venir faire un like maintenant sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, tout simplement. Lulu aussi qui dit, moi je vous écoute presque tous les jours d'Italie, je vous adore. On embrasse tous les Italiens et Italiennes surtout qui nous écoutent. Il faut lui faire entendre ce qu'elle veut entendre et après tu pourras la pécho. Et Polo, tu es encore puceau, personne ne doit écouter tes conseils. Bien sûr, je suis puceau, ouais. Bien sûr. Bon, on en parle dans un instant sur Fun Radio. Retour avec Arnaud, retour avec Adrien qu'on a récupéré et j'attends vos avis mesdemoiselles. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Vous l'attendez depuis tout à l'heure, je vous le remets. Et oui, je vous l'avais passé à 20. 23h, je vous le remets maintenant sur Fun Radio. Vous avez été nombreux à le demander avec le hashtag et Mickaël ce soir sur le Twitter. C'est Britney Spears qu'on vous a fait découvrir hier en exclu à 20h. C'est Work Beach sur Fun. Nouveau Britney Spears découvert sur Fun Radio, c'était hier soir à 20h. Work Beach sur Fun. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous avez encore fait les couilles longtemps là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Il y a un message qui m'a fait rire sur Twitter là, c'est Megumi qui dit: ah ben ça pas maintenant, on sait quand on, si on a un rencard avec Mickaël, il va se tirer la nouille avant. Mais c'est la règle. C'est la règle. Quand t'as rendez-vous avec une meuf et que tu te dis que peut-être qu'il se pour, il pourrait se passer un truc, faut pas y aller le pistolet chargé. Mais oui. Ben oui. Moi je peux vous raconter des histoires de pistolets qui se déchargent tout seul. De quoi? Par rapport à moi? Non, par rapport à moi. Ah bah vas-y alors ben... Attends une seconde. Tu veux connaître l'histoire, Aurélia? Ouais, vas-y. Et les parfait. Tu peux faire des commentaires, ma chérie. Vas-y. Attends, on va même mettre Mélissa en même temps. Tiens, t'es là, Mélissa? Oui, je suis là. Parfait, bienvenue à vous, mademoiselle, la Mélissa Aurélia. Bon, apparemment, toi, t'as eu un petit problème de pistolet qui se décharge tout seul. Ça m'est arrivé deux fois. Alors, c'est quoi? C'est une fois, en fait, c'est une meuf que j'avais rencontré dans un bar, et donc elle me ramène chez elle, machin, et donc elle me fait un putain de massage. Mais quel connard, alors. Oh là là. Mais vraiment un truc bien, et à un moment, donc on se retourne, et donc je suis, elle est sur moi, mais j'ai encore mon pantalon, et là, elle commençait à bouger le bas des reins comme ça. Et c'est parti tout seul, j'en avais plein le caleçon, ça collait. Ouais, non mais t'es un précoce quand même. Ça m'est arrivé aussi. Ouais, moi aussi ça m'est arrivé tout début quand j'étais encore puceau, ça arrivait une fois. Non mais non, parce que c'est vrai, bah oui, attends, c'était voilà. Il faut mettre dans le contexte de la meuf qui t'a fait un putain de massage, oui, qui t'a surexcité. Mais oui, t'es tellement excité. Regarde, t'es en boîte, tu te fais frotter, bah à un moment donné. Voilà, c'est la musique de... pendant le falzar. Et en fait, t'as cette espèce de... Oh, mais la musique. Voilà, donc tout ça pour dire que... Qu'est-ce que t'as dit, Aurélia? Qu'est-ce que t'as dit, Aurélia? Ça arrive. On reste des êtres humains, on est des hommes. Est-ce que tu veux un coup de pelle dans la tronche? Voilà. C'est tout ce que t'as mérité. Bon. Revenons à nos moutons. Mais... Aurélie, plus jamais tu fais le mouton, t'as compris. Maintenant, après la mobilette, on a le mouton. Plus jamais tu fais le mouton, d'accord? D'accord? Je peux pas lutter là. Ah non, tu peux pas lutter là. Toff, mets-toi à genoux. Voilà. Voilà, un deuxième trou du cul. Oui, c'est mieux. Bon, allez, Aurélia, tu voulais nous parler des rencarts foireux, toi? C'est les ça? Des rencarts foireux? Ah, je sais pas, c'est ce que je voulais savoir. Un premier rencard, ce que tu attends, parce que d'accord, ok, très bien. Bon, alors, pardon, Aurélia, donc toi, tu voulais réagir donc par rapport à Arnaud qui a son premier rencard, et donc on se demandait, bah, qu'est-ce que vous attendiez, les filles, quand vous aviez un premier rencard? Vous attendez quoi du mec? Bah, déjà qu'il soit très observateur. Ouais. Qu'il parle pas trop. Surtout pas de mytho. Bah oui. En général, on note tout ce qu'il dit. Ok, donc c'est moi qui parle pas trop, qui est pas mytho, très bien. Aurélia, je peux t'arrêter deux secondes? Combien mesures-tu? Ouais. 1m72. Combien pèses-tu? 63 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Oh là là, c'est quoi tout sur un sujet là? C'est ça. Donc combien ton tour de poitrine? 95 D. Ah. D comme Denise. Non, B comme Denise. Oui, oui. Ah, D comme non, Denise. D. Ah oui, donc D comme D énorme. Ah oui, D énorme. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. 40, ah oui, c'est... Ah oui, oui. Oui, c'est... Voilà, c'était ta dédicace. Bon, Aurélia. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que t'as? Donc toi, t'attends un mec qui est pas mytho, un mec qui parle pas trop. Mais qu'est-ce qui est? C'est quoi parle pas trop? C'est quoi la frontière? La frontière, surtout, qui commence pas à me parler de ses ex, en fait. Ah ouais, mais de toute façon, il vaut mieux pas, hein. Jamais. Ouais. Ouais, il vaut mieux pas. Mais en même temps, le problème sera vite résolu avec Arnaud, puisque c'est son premier rencard, donc ça, c'est plié. Voilà, non, c'est vrai. Il a quel âge? Il a 18 ans. Ah ouais, elle est tout jeune. Bichon. Ben ouais. Oui, bichon. Bah, en même temps, quand même, 18 ans, c'est quand même tard pour un premier rencard. Pas pour coucher, hein, parce que là, la moyenne, c'est 17 ans. Mais le premier rencard, quand même, même moi qui étais timide, même moi, je l'ai eu à 16. Oui, c'est tôt, les petits trucs, les rencards. Ouais, mais ça, c'est toi qui nous le dis. Hein. Ça se trouve, t'es arrivé sur place, il s'est rien passé. Hein. Ouais, qui, moi? Non, je dis un premier rencard que j'ai eu à 16 ans. Non, 15 ans. La première fois que j'ai couché avec une fille, c'était à 17. Tout juste avant 17, je crois. 16 ans, presque la fin. Ouais, moi, la première fois que j'ai emmené une meuf au McDo, ouais, je devais avoir 15 ans. Quoi. Vraiment ton premier rendez-vous. Oui, je lui avais donné 10 francs à l'époque. Je lui avais donné 10 francs pour s'acheter un McDonald's. Il en a pris un Happy Meal. Exactement, c'était très gentil. Ils étaient là tous les deux. Ils ont joué avec Ronald. On avait pris rendez-vous pour fêter l'anniversaire. Un truc de rien. Avec tous les copains. Et à la fin, je lui ai laissé le cadeau. Et toi, tu l'as fait l'anniversaire au McDo ou pas? Ah, oui. Ta mère, elle t'a forcé. Chez Quick. Non, parce que en fait, il y a. Non, ma mère déteste ça, les fast-food. Donc du coup. Oui, je suis dégueulasse. C'est de la malbouffe. Cuisine, ouais. Cuisine, hein, alors que moi, je lui fais des bons légumes tous les soirs. Donc par contre, moi, j'avais le clown à la maison. C'est bien la chance. Moi, j'avais pas ça, moi. Je comprends trop bien ramené... du mec. C'est pour ça que t'es comme ça. Oh maintenant. Putain, Top, il avait un clown. La chance. Mesdames et messieurs, je présente le clown. Je suis moi-même la mère de Top. Bienvenue. Avec tous les petits amis de la mère de Top sont là. Avec Pépette le chien. Non, pas à l'époque, pas à l'époque. Il y avait Pupuche le chat à l'époque. Il y avait Pupuche le chat, il y avait tous les amis qui étaient là ensemble et nous allons jouer. Ah, le bouffon, putain. Je vous ai prévu des petits hamburgers juste après à base de légumes. Oh mon dieu, bon arrête-nous là. Faut que je dise la vérité quand même, c'est comme ma mère était directrice d'une école maternelle. Ah. Du coup j'avais aussi le Père Noël et pour ceux qui connaissent Saint-Nicolas à la maison. Oui. Ah oui, bah tout le monde venait quoi. Bah oui, c'est normal, je profitais un peu. Mais t'avais la petite souris sur moi aussi là. Oui, j'avais la petite souris aussi. Ah d'accord, ok, bon très bien. Est-ce que c'est la petite souris? Oui. Bah oui. Ah ouais, non, parce que Saint-Nicolas, je sais que c'est dans le nord de la France et en Belgique, mais du coup, la petite souris, on sait jamais. Tu la mets sous ton oreiller, voilà. Papa, maman, enfin, la petite souris. La petite souris, bien sûr. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Pardon. Et te mets une pièce sous l'oreiller. Une pièce, un billet, un cadeau, ça dépend. Voilà. Voilà, très bien. Autant dire quand j'aurai des gosses. Tu diras, écoute, les petites souris, moi je les tue. T'as vu le petit trou qu'il y a là? Moi j'ai mis une petite attrape avec un bout de fromage. Hein? Regarde Tom et Jerry, tu vas comprendre ce qui se passe avec la souris. Ah bah oui. Voilà, c'est. Non, mais attends, c'est. Il faut pas leur apprendre à donner de l'argent comme ça gratuitement. Mais non. Il faut qu'ils bossent, ces chiens, il faut qu'ils apprennent la vie. Oh, tes pauvres gosses. Mais non. Oh, les pauvres. Attends, Aurélia, t'es pas d'accord? Non, mais ils seront pires que toi. Non, mais faut pas être sadique à ce point, toi. Mais pas sadique, mais. Tu veux les maltraiter, toi? Mais non, mais pas les maltraiter, mais. Tu sais, un jour, je vais te raconter un truc. Il y avait une auditrice, à l'époque, on faisait le matin, et un jour, je raconte, il y a une auditrice qui passe à l'antenne, qui avait gagné un truc, je sais plus quoi. Et donc, j'avais dit à l'antenne, ah non, mais attends, c'est bon, tout le monde sait que le Père Noël n'existe pas. Ouais. J'avais dit ça, c'était une vanne, c'était rigolo. La meuf, elle a écrit une lettre au CSA, tout le bordel, c'est arrivé jusqu'à la radio. Elle m'avait fait un drame parce que j'avais dit ça, que c'était une honte. Mais je lui ai répondu, mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est à moi que tu viens mettre un problème parce que je dis la vérité à ton gosse, alors que toi, tu lui mens? Et c'est moi que tu viens non mais c'est moi que tu viens sur qui tu viens gueuler. Non mais attends, sont pas sérieux quand même. C'est vrai. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ouais, tu as raison. Merci Aurélia. Je vais pas te frapper Aurélia. Oui mais parce que t'étais un peu violent là, même nous tu vois. Ah bon? Je sais pas trop, on savait pas. Mais non mais je lui dis, attends, la meuf elle vient me faire un sketch, elle est sérieuse. Non mais ça l'a travaillé, parce que moi je sais que pendant toute cette période, Mickaël a failli rentrer en dépression suite à cette lettre. C'est ça, j'ai failli me déguiser en Père Noël pour aller déposer les cadeaux et tout ça, mais bon, enfin bon, une histoire. Bon bref, et donc, et toi Mélissa, qu'est-ce que tu attends des premiers rencarts? Enfin du premier rencard. Moi j'attends que chez un mec qui soit honnête, déjà l'honnêteté. Ouais. Alors c'est deux points qui reviennent chez les deux là. C'est vrai. Qui mentent pas. Ouais, arrêtez de mentir, bande de cons. Ah non, ça m'énerve. C'est ça. Pas bien. C'est énervant. C'est énervant, d'accord, ok. Ouais, mais si on ment plus aux meufs, on va mentir à qui? À qui? Bah, ment à tes parents, à tes potes. Non, c'est veux, pas vrai, vous n'aimez que deux choses, l'argent et l'argent. N'importe quoi, Polo, c'est la plus grosse. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, les filles, Mélissa et Aurélia, je vous en mets une de votre part. Apollo et Atof, une claque. Allez. Voilà. Voilà, comme ça, j'en ai eu deux chacune. C'est parfait. Merci. Bah, lui, il aime les menteuses, en fait, ça doit être ça. Mais oui, mais enfin, ça, c'est ça. Monsieur Polo, il aime bien les menteuses, c'est pour ça, n'importe quoi. Ça, y a Clem. Il aime se faire dominer. Non, il aime les moches aussi. Ah, il aime se faire dominer. Oh, le pauvre. Ah, ouais, mais toi, il aime bien qu'on le maltraite, hein. Il aime bien les coups de fouet, tout ça. J'adore les moches dominatrices. Mais c'est pour ça qu'il. Qu'est-ce qu'il est con. C'est pour ça qu'il ment tout le temps, en fait. Tout le temps. C'est pour ça, parce qu'il a envie de se faire engueuler. Exact. Qu'elle me punisse. Mais oui, c'est ça. Tout à fait. Pour se faire fouetter. Et si vous êtes éventuellement dominatrice, appelez-nous. Hein, si vous voulez faire ça en direct à Antenne avec Toff, il sera content. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Clem qui dit moi j'aime quand on me fait rire au premier encart. Victor qui dit j'ai envie de dire un battle Godens avec Toff. Ouais, t'inquiète, on va le faire demain, Victor. Il y a quoi ? Il y a Manon également qui dit revenons à nos moutons. Ben oui, c'est une vieille expression que j'ai empruntée et que je vais très très vite rendre, vous inquiétez pas. Chris qui dit Sandro je t'aime, Dame Ceci qui dit la musique trop délirante, vous êtes des malades. Ah oui, c'est la musique de les histoires de Toff, c'était celle-là. Voilà. Et Céline qui dit dire que je m'étais promis de dormir plus tôt, c'était avant d'apprendre que Mickaël était de retour à la radio. Ah ben je suis désolé, je suis vraiment désolé. Et alors Let's Be Flux qui dit j'attends que le mec soit gentil, doux et délicat. Et alors Let's Be Flux, il y a un moment, il y a un truc qui ça va pas, il y a d'autres choses qui vont pas ensemble. Tu veux un mec doux, gentil et délicat, et à côté de ça tu veux te taper Toff. Non mais, ouais, là, c'est pas normal. Voilà, c'est là qu'il y a un moment dans ta tête, il se passe un truc, ça coïncide pas, tu vois ce que je veux dire. Et il y a Greg qui dit non. Mais si, il a raison Polo. Oh allez, arrête Greg, quand même. Non, sans déconner, t'es quand même pas d'accord avec lui, c'est pas sérieux ça. Et bon. Mélissa, il y avait d'autres points, je crois. Ouais, j'aime bien quand un premier rencard, c'est quelqu'un, j'aime bien quand il me fait l'amour, non? Non, pas l'amour. Ah, non, d'accord. Je risque pas. Comment ça s'appelle? La personne qui soit gentil, doux, ouais. Soit attentif avec moi. D'accord. Mais genre, genre premier rencard, c'est quoi? T'as envie qu'il t'invite au resto? T'as envie que tu l'invites? Parce qu'il y a des meufs qui veulent absolument payer, c'est quoi? Bah, on fait une balade, on va se promener. Ah ouais, on se fait chier quoi. Non, pas se faire chier, on peut faire... Franchement, moi, je suis pas une fille à faire chier le monde. Mais tu peux pas te faire chier en plus quand tu es avec quelqu'un que tu kiffes. Hein. Ah non, si tu le kiffes vraiment, tu vas tout faire pour garder. D'accord. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. Non, mais ça, c'est évident. Maintenant, attends, parce qu'il y a plein de messages qui arrivent aussi, là. Oui, ça, c'est encore sur GTA, là. T'es nul, mec, en matière de drague. C'était Thibaut qui avait envoyé ça, c'était pour Arnaud. Et attends, il y a Karim aussi dans un instant. Bon, restez là, les filles. Mélissa, Aurélia, oui. Vous restez là. D'accord. On va prendre Karim, on va prendre Arnaud aussi dans un instant. Il y aura le gagnant aussi pour GTA 5. Je vous rappelle qu'il y a le dernier exemplaire de GTA qui est à gagner ce soir sur Fun Radio. Si vous voulez gagner votre exemplaire, à vous de jouer dès maintenant. Vous allez tout simplement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Vous balancez votre message dès maintenant. Vous faites un like hein, sur la photo où je poste, où j'ai posté la photo donc justement de la pochette de GTA 5. Tirage au sort dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Je vous souhaite bonne chance. Et puis je vous l'avais promis tout à l'heure, on l'a mis déjà une fois. Les auditeurs ont redemandé. On va vous le remettre, Linkin Park le nouveau, A Light That Never Comes sur Fun Radio. Nouveau son de Linkin Park à l'instant sur Fun Radio et bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de débarquer là. I Like That Never Comes, c'est un son que je vous avais fait découvrir tout à l'heure Linkin Park avec Steve Aoki et il est plutôt pas mal d'ailleurs à en lire en tout cas tous les messages qui arrivent là. Let's Be Flux qui dit je dédicace Torgasme à Toff. Ah bah disons qu'il va être content. Clem aussi qui dit Linkin Park, là je dis ouais. Le Prince Nadia qui dit j'adore Linkin Park, la deuxième écoute est encore plus bonne. Petit Panda qui dit attends c'est quoi, moi faut qu'il me fasse rire, après s'il me fait rire il a tout ce qu'il veut, d'accord. On aurait pu te faire rire, petit Panda, c'était de nous apporter les petits gâteaux que vous avez prévus. Hein. Et on est très drôle. Ouais, toujours rien. Et Jules qui dit toujours en top tweet, bientôt une heure, c'est good ça. Oui, et devant GTA 5, donc ça veut dire qu'on parle plus du hashtag Mickaël que de GTA 5. Eh ben, je suis sûr. Ça, c'est bon. Et sans rien vous demander. Bon, c'est ça qui est aussi, hein, parce qu'on n'est pas en train de pleurer pour avoir le top tweet. Nous, on va lire le top tweetos tout à l'heure à 2h du mat. Là, dans 5 minutes, on verra quel est l'auditeur qui a été le plus influent sur le hashtag Mickaël ce soir. On va croiser les doigts pour voir qui va être le numéro 1. Est-ce que ce sera Let's Be Freeze comme d'habitude ou quelqu'un d'autre? On verra bien. Et Cédric qui dit lourd le nouveau Linkin Park, ça faisait longtemps. Ouais, il est très très bien le nouveau Linkin Park. Là, je suis en train d'essayer de voir si je peux vous caler le petit Prodigy, la reprise de Fédé Legrand là. Voilà, je vous le calerai tout à l'heure le son de Prodigy avec No Good sur Fun Radio. Donc restez bien sur Fun Radio. Donc ça c'était Fédé Legrand, c'est le nouveau son qu'on vous passe toute la journée sur Fun. Je vous cale dans un instant également. Et bah la nouveauté, enfin la nouveauté, le vieux son en l'occurrence, celui de Prodigy avec No Good. La semaine dernière, je vous ai mis Smack My Beach Up. Et puis on va continuer dans un instant. Bon, avant de continuer justement avec Arnaud, avec Karim, Aurélia et Mélissa, il y a encore du monde là, 2h du mat, on n'aura jamais fini à l'heure. On va donc encore appeler des gens là maintenant, la direction, on avait appelé à Bruxelles, on avait appelé au commissariat de Saint-Denis, à Guyancourt où ils avaient dit que tu pouvais aller dormir, enfin qui viendrait te réveiller. Avec voilà. La sirène. Exactement, avec la sirène. Et donc là, puisqu'on a rendez-vous demain avec le boss de la radio à 13h, Toff a peur de pas se réveiller comme d'habitude. Donc on cherche un endroit où il pourrait éventuellement être hébergé de manière à ce qu'on puisse le réveiller demain. On va appeler je sais pas où du coup, c'est un numéro qu'un auditeur nous a envoyé mais sans préciser l'endroit. On appelle ? Allons-y, on y va. Allez, c'est parti. Je sais pas du coup chez qui on va tomber mais on verra bien. Allez. Oui, allô ? Oui, bonsoir monsieur. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, voilà, je vous appelle pour savoir si c'est possible que je vienne dormir chez vous. C'est une plaisanterie ? Non, pas du tout. En fait, c'est parce que j'ai peur de pas me réveiller demain matin. J'ai un rendez-vous hyper important. Et du coup, je me disais que peut-être si je venais dormir chez vous, vous pourriez me réveiller pour être sûr que je sois pas en retard. Bon, écoutez, si vous avez rien d'autre à faire que de vous foutre de la gueule du monde, appelez un autre numéro. Moi, j'ai des choses plus importantes à faire. Mais pas du tout, monsieur. C'est pas pour rire. Allô ? Allô ? Oh, ah bah il a coupé, il a coupé, c'est pas grave, hein, on va le rappeler encore une fois, c'est parti. Allez. Il retourne. C'est quoi, il dort ou quoi? Oui, allô monsieur? Encore vous? Mais oui, en fait je voulais vous dire que c'est pas du tout pour rire, c'est une maladie en fait, hein, c'est pour ça que j'ai besoin que vous me réveilliez demain. Oui, mais enfin, ici, c'est pas un hôpital, d'accord? Non, mais vous avez bien un canapé. Vous faire soigner ailleurs et arrêter de... Maintenant, vous commencez à me gonfler sérieusement. Vous appelez en pleine nuit pour me raconter vos conneries. Vous foutez de la gueule de qui? Mais je me fous pas de votre gueule, monsieur, j'ai juste un problème. Arrêtez vos conneries. Eh ben, allez, appelez un hôpital et allez vous faire soigner. Maintenant, ne m'appelez plus parce que vous commencez à me casser sérieusement les couilles. Vous avez bien compris, j'étais assez clair, là. Alors maintenant, vous me foutez la paix. J'ai chose plus importante à faire que de perdre mon temps avec vous. Ah oui, au revoir. Pourri. Cordial. Un peu agressif, mais cordial. Non, oui, très gentil. C'est ça, ils étaient gentils, là, Mélissa et Aurélia, là. Tu vois, c'est un mec du sud en plus. Ah hein, oui. C'est un numéro à côté avec l'accent, là. Ah bah oui, mais c'est des mecs comme ça que vous voulez, non? Non, mais arrête. Non. Je sais pas, je demande. Bon, alors attendez, on va encore en appeler un petit, là. Bougez pas, les filles, attendez. Hop. On rappelle encore. On va quand même essayer de faire Robert Gétoff, la merde, sinon il va dormir où? Il vient dormir chez moi. Ah, j'arrive. En plus, c'est la Paris, Toff. Je fonce. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui ? Oui, je vous appelais pour savoir si c'était possible que je vienne dormir chez vous. C'est qui ? C'est Toff. C'est qui ? C'est Toff. Toff, c'est qui ? Bah, c'est moi, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Bah si, et en fait je vous appelle parce que voilà, j'ai un rendez-vous très important demain et je voudrais être sûr de pas le rater, donc je vous demanderai de me réveiller, quoi. Ah, allez, c'est bon. Quoi? Oh, l'autre qui s'en va là comme ça. Attends, on va le rappeler. Non mais il est sérieux, lui. Hop, c'est parti, on rappelle. Bon, même si Aurélie a proposé ses services, hein. Ah oui. Non, rigole pas pendant qu'il décroche, hein, sinon on va se faire griller. Non, non, je rigole pas. Il décroche plus maintenant. Le numéro s'affiche, il n'a pas décroché. Bah non, il s'affiche pas le numéro normalement. Hein. Alors ? Ou alors il écoute et il sait que Aurélia lui a proposé. Oui. Oui, vous m'avez dit c'est bon, je peux venir, c'est ça ? Non, c'est qui là ? Bah c'est Toff, monsieur. Mais Toff, hein, tu vas te faire foutre, Toff. Allez, ciao. Pourquoi, monsieur ? Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Bon, on va le rappeler encore un coup, les filles. Hein. Ouais. Il avait l'air tellement gentil. Non mais oui, il avait l'air tellement gentil, il serait quand même cool. Foutre, bah oui, va te faire foutre. Bon, on le rappelle. Allez, attendez. Encore un coup. Va te faire foutre. Oh. Oui, enfin monsieur, c'est pas gentil. Toute la soirée, tu vas me casser les couilles, là? Non, monsieur, moi je vous demande juste de me rendre un petit service et vous le prenez comme ça. Tu vas te faire foutre, tu vas dormir dehors sous les ponts, ouais, je te connais pas, Toff. Mais oui, mais ça va pas me réveiller de dormir sous un pont. Bon, allez, merde. Ce sera le mot de la fin. Allez, merde. Voilà. Tu vas dormir sous les ponts. Oui, exactement. Il ira dormir là-bas. Exactement. Bah non, parce qu'il y a Aurélia qui a proposé ses services là. N'est-ce pas, Aurélia? Aurélia, moi, je pas de problème, j'arrive. Hein. Attends, t'es dans quel quartier? Je suis à Puteaux. À Puteaux, bah, c'est dans le 92, c'est dans les Hauts-de-Seine. C'est ouais, bien, c'est pas loin de la radio. Ça. Moi, ça me convient. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que moi, je prends que 16e, 15e, 8e. Ah, mais ça va, ça va. Et Neuilly. Voilà, et mais c'est tout. T'es en bourgeoisé, non? Non, mais bon, il y a vraiment, il faut savoir vivre. Il faut choisir. Il y a vraiment, il faut savoir vivre. Je prends le 95 ou le 93. Polo, il récupère ce qu'il peut, quoi. Toute la banlieue. Voilà, mais il y a plus de place, hein. Ah oui, ouais, les appartements sont plus grands. Qui arrive en vie. Oui, c'est le point positif, c'est sûr. Bon, Arnaud qui voulait des conseils pour le premier rencard, là. Comment ça se passait? Qu'est-ce que les filles attendaient? Et on a également Karim avec nous, là, de Rouen. Salut, Karim. Salut. Ça va? Bah bien et vous? Bah bien, ouais, tranquillement. Bienvenue à toi, Karim. Merci, c'est cool. La première fois que je passe à la radio, c'est un non. Plaisir, ça, bah, c'est bien. Écoute, bah sois le bienvenu. Alors hein, voilà, sois encore plus le bienvenu. Voilà. Bah, bon. Merci, impeccable, c'est cool. Alors Karim, donc toi oui, tu lui donnais un conseil. Alors qu'est-ce que t'as comme conseil à donner à Arnaud? Est-ce que tu voulais réagir par rapport à Arnaud pour lui donner un conseil ou simplement pour démonter les filles, façon de parler, en leur disant que ce qu'elles attendaient, ça n'existait pas. Enfin bref, une histoire quoi. Non, déjà les deux demoiselles Aurélia plus l'autre, je me rappelle plus de son prénom. C'est Aurélia et Mélissa. Aurélie et Mélissa. Voilà. Oh, bah alors si tu veux une idée en fait hein, pour avoir un moyen mnémotechnique, alors c'était Aurélia c'est elle. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ouais, non, mais ça, je me rappelle, c'est Aurélia, elle, gros lolo, c'est ça? Exactement. Voilà, oui, c'est 95D, je le rappelle. D comme Denise. Voilà. Denise, c'est bon. Comme Dardard. Voilà, mais ça me rappelle que nous n'avons pas le modèle. Le modèle de Mélissa. Quel modèle? Bah, Mélissa, t'as pas vérifié. Tu veux Mélissa, excusez-moi, pardon. Bah, oui. J'ai bugué. Mélissa, combien mesures-tu? Attendez, on redémarre. Alors, voilà. En tour de poitrine? Non, non, ta taille d'abord. Taille, je fais 1m73. Combien pèses-tu? 55 kilos. Ah, oh. Ah, il faut manger maintenant, Mélissa. Hein. Alors, reste comme ça. Quel est ton tour de poitrine? 95 E. Hein? E comme énorme? Ou comme enculé? Éléphant? Ah ouais, mais exactement, mais Mais c'est les tiens? Oui, c'est les miens. C'est les tiens, tiens, des vrais? Il est devenu comme un. Il tremble, là, Toff, il tremble. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté, j'ai des gouttes de sueur qui perlent sur mon front. Qui perlent sur mon front. C'est du 38. Oh là là. Ah oui, arrêtez, oui. Arrêtez. Et attends, je la remets deux fois. Oh là là, trois fois. Non, vraiment, c'est... Ça part en vrille, cette émission, vraiment. Mais non, mais bon, attends, il y a vraiment... Là, c'est du n'importe quoi. Bon, Aurélia, allez, casse-toi. C'est pour rire, Aurélia, arrêtez, c'est pour rire. Arrêtez, calmez-vous. Tant mieux, hein. Mais non, c'est pour Aurélia, rire. Aurélia, t'étais la première. Oui, tu seras la première. je vais rester sur toi. T'étais la première, maintenant il y a la deuxième. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, alors, c'est un Karim... hooligan, ce gars, en fait. Ah bah, ouais, moi je disais, pour moi, la technique que j'ai toujours fait, et pour moi ça a toujours marché, c'est quoi? C'est de jouer le blagueur. Tu rigoles avec la fille, tu la vannes, tu la critiques, mais ironiquement, ouais. Et ça passe direct, ça passe tout seul. Ah, tu fais des blagues alors? Oh, blagues, raconte pas les blagues de... Raconte pas les blagues de Dodo, quoi. Allez, Dodo les clowns. Bon, et genre, tu fais une blague à... Alors, genre, c'est ton premier encart là. Tu préfères du D ou du E en tour de poitrine, Karim? Moi, je suis plutôt Aurélia, moi. Plutôt Aurélia, donc du D, très bien. Alors, imagine que c'est ton premier encart avec Aurélia, là. Ah, c'est mon premier encart avec Aurélia? Voilà. Je vais rigoler avec elle, je vais la vanner, je vais la... Indirectement, je vais la critiquer, mais je vais lui faire comprendre que c'est pour rigoler. Je vais lui mettre une fois que dans la poche, ça passe tout seul. Ouais, mais imagine, là, c'est ton premier encart, là. Fais-la rigoler, là. Aurélia, Karim, Karim, Aurélia. Enchanté, Karim, je t'écoute. Enchanté, Aurélia. Ouais, mais au téléphone, moi, je suis pas... Moi, ça marche pas au téléphone. Moi, non, mais imagine que t'es en face à face. Non, mais là, on fait ça pour rire, Karim. Je sais très bien que pour rire, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, mais on va dire, j'en perds mes moyens devant toi, on va dire. Ah, c'est pas mal. Devant moi ou devant le 95D? Bah, devant toi, t'es toi le maître de la séduction. Non, devant le 95D, genre t'as les moyens. Ah, bah imagine, alors si tu les avais en vrai, tu perdrais encore plus tes moyens, donc tu passerais vraiment pour un clown. Non, mais quand je dis blaguer, c'est pas faire le clown. Si tu fais le clown, la fille, elle va pas te vouloir. Non, mais c'est une expression de passer pour un clown. Je dis pas que tu es clown. Je dis c'est des expressions. Ouais. Bon, donc du coup, t'arrives pas à le draguer, quoi. Comment? T'arrives pas à le draguer. Ah si, moi je drague si, sans problème, pas de soucis. Alors que, attends, suis l'exemple de Tof, voilà. Hop, je te présente Aurélia, Tof. Aurélia. Oui, enchantée. Enchantée, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de particulier. Pardon? Rien de particulier. Bon, ça te dirait que je viens te déboîter? Pas que tu sois assez fourni pour, mais bon. Oh oui, ça c'est bon, ça. Bravo, Aurélien. Ah oui, oui, oui. Bravo. Non, mais c'est vrai. Je n'en sais rien, je pourrais te pilonner toute la nuit. Oh, yeah. Ouais, c'est sûr. C'est ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui en font le moins. Non, bah, alors, je peux te dire qu'il doit pas en faire grand chose. Hein. C'est pour ça que je parle pas depuis tout à l'heure. C'est ça. Alors que moi, vous remarquerez que je ne parle jamais de ça. Hein. Parce que toi, fais-tu une pipelette, donc. De quoi, Aurélien? J'aurais plus peur de Michael que de toi. Mais oui, mais c'est normal, tu as bon goût, tu es une femme de bon goût. Voilà, non mais c'est bien, qu'est-ce que tu veux. Enfin, en même temps, demande à une meuf si elle préfère un cajot ou un top modèle, quoi, c'est pareil. Ouais. C'est vrai, je suis un top modèle, je prends ça comme un compliment, t'as fait merci. Non mais en fait, il a été dans l'extrême, que ce soit pour Mike ou pour lui. C'est faux, attends, qu'est-ce que tu racontes, toi? Oui, c'est vrai, je me suis oublié, c'est moi, un top modèle. I'm top model. Fais attention, on a une pelle et on a un paquebot. Exactement, et j'ai de la musique de merde. Et moi, j'ai rien, moi. Comment? À part l'âne. C'est Polo ou Pipo, hein? Et moi, j'ai rien. Voilà. Toi, t'as quelque chose, toi? Voilà, t'as un coup de pelle dans la tronche, toi, voilà, c'est ça. Bon, donc, bref. À part l'âne, si t'as autre chose. Un âne, oui, bah oui, si, un moyen de déplacement, vous avez tous un truc, moi j'ai rien. T'as un âne, ça te suffit, voilà. Bon, non, écoute, attends, bah tu vas prendre la Harley, toi. Il y avait un braquemar d'un âne, je suis là, hein. De quoi, Karim? Il dit qu'il y avait un braquemar d'un âne, je suis là. Le roi de la séduction. Oh, genre l'autre, allez, le roi de la séduction, ouais, Karim. Ouais, moi je fais rire, etc., etc. Le roi de la lourdeur, plus, hein. Ah ouais, là, Karim. Ah, Karim, non, là. Je suis pas le roi de la lourdeur, là, j'ai une blague. Vu que vous partez dans les blagues à deux balles, oui, t'inquiète, Karim, on rigole. Alors vas-y, sors une blague. Je rigole. Mais oui, on sait. Sors une blague. Tu veux des blagues? Vas-y, regarde. Il y avait, comment ça s'appelle, tout à l'heure, j'étais avec un Belge. J'avais un Belge avec moi, il m'a raconté une blague, mais j'ai fait waouh, c'était du balèze. Quel fruit obtient-on quand on tire la queue d'une vache? Je sais pas. Un melon. Eh, hey, c'est belge, c'est pas de moi, c'est belge, hein. Oh là là, mais assume, mec. C'est nul, tu sais que t'es en train de parler. J'assume totalement. Karim, tu sais que t'es en train de parler à des Belges, là? Toff et moi, là. À quoi? Bah, j'ai Karim, les Belges. Allez, casse-toi. Comme t'es que ça. Oh là là là là là, en plus, t'es pas drôle. Enfin, bon, bref. Bon, bah, Karim. Ouais. Est-ce que t'as. Est-ce, Arnaud, est-ce qu'il t'a aidé, Karim, là, Aurélien ou Mélissa? Il y en a trois qui t'a aidé, Arnaud? Ouais, bah bien sûr, quand même, merci. Non, mais tu peux dire non, hein. Non, mais c'est vrai que tu taquines là un petit peu, comme il disait Karim, ça peut marcher, hein. Si tu la taquines un peu, tu rigoles avec elle, passe par l'humour. Oui, taquine. Ouais, pour le mot, je cherchais ce mot-là, voilà, taquiner. Taquiner. Il y a un bécherel et un dictionnaire, comme ça, tu trouveras les mots plus facilement, Karim. Ah, je veux bien un bécherel, y'a pas de soucis, même si ça fait longtemps que je suis sorti de l'école, moi. C'est vrai, mais bon, parfois ça fait du bien, même pour nous. Bon, mais merci, Karim, en tout cas, d'être passé. Y'a pas de problème, tu reviens quand tu veux, et puis à bientôt sur Fun Radio, Karim. Bisous, Karim. Ça a été un petit plaisir pour moi, impeccable. Je pourrais avoir un petit cadeau de votre part en souvenir. Oui, on va t'envoyer l'album d'Avicii, Karim. Bah, pas de soucis, c'est cool de votre part. Avec plaisir. Salut, Karim. Allez, bonne soirée à vous. Salut, Karim. Ciao, bye bye. Aurélia, Mélissa, merci à vous, les filles. Eh, les filles, je suis célibataire. Oh, moi, je veux juste une photo dédicacée de vous. Mais on en a pas encore, Aurélia, bon, mais dès qu'on les a promis. Mais tu sais ce qu'on peut faire. Attends, ce qu'on va faire, Aurélia, si tu veux, c'est t'as une adresse mail là, ou un Twitter ou quelque chose? Ouais, agasso. Non, mais donne pas ton adresse à l'antenne. On va faire une photo juste pour eux, ils veulent pas partager. On va faire une photo. Bon, attends, bah venez ici, on va faire directement là. Comme ça, on est fait. On va où? On va là-bas? Bah venez par ici, attends, Aurélia, on va t'en faire une directement là, tu vas voir. Oh yes, moi j'ai un Facebook. Alors attends, Mélissa, attends une seconde. Bon, tu veux qu'on fasse un geste particulier, Aurélia? Comme ça tu verras qu'on l'a prise vraiment pour toi là en direct. Ouais, le V de victoire. Ah, tu veux qu'on te fasse un V de victoire? Bah ça va être pratique, ça, tiens. Alors attends. Voilà, donc on fait un V mais juste avec avec les doigts, d'accord? On va la mettre sur le Facebook, comme ça au moins vous la verrez tous. Voilà. Voilà, elle est dégueulasse la photo, enfin on va te l'envoyer quand même. Alors, non mais attends, mais je te l'envoie en direct live là, elle est horrible. Oh, elle est horrible. Bon, donne ton adresse mail. Bon, on va la donner à l'antenne, Aurélia, c'est pas grave. Non, je vais être surservée après, j'ai oublié. Ah bah oui, c'est ça. Bon, écoute, alors on va te l'envoyer dans 30 secondes, dès que tu vas donner ton adresse mail à Sandro, d'accord? Ok, pas de soucis. Je suis le beau chauve. Je t'en envoie personnellement, Aurélien, pas de problème. Ah, c'est gentil. Mais merci. Écoute, avec plaisir. Franchement, un vrai plaisir, c'est la première fois que je passe à la radio, je suis super. C'est pas vrai, oh, et ben voilà, t'as vu un peu. T'as vu comment t'as été traitée comme une princesse? Ouais, comme une reine. Voilà. Bon, t'aurais dit que t'avais un A, évidemment, on t'aurait rejeté, hein, mais enfin bon là. Ah mais là, la D, on peut pas. Non, on peut pas. Non, je plaisante. Aurélien, je te fais des bisous. Mélissa. Ouais, moi aussi, j'embrasse toute l'équipe. Oui. Je te fais des gros bisous aussi. Ok. Et on t'embrasse et on t'aime aussi. De quoi tu dis, Mélissa? Moi aussi, je t'aime. Oh, bonne merci, soirée. Mélissa. Gros bisous, je t'embrasse. Polo merci, les filles. Polo@funradio.fr. Polo@funradio.fr. P-O-M-O@funradio.fr. Ouais, on a compris, Polo, là. Ah, bon, qui est hors lui. Sandro, n'oublie pas de prendre le mail d'Aurélia, comme ça, on va lui envoyer directement la photo qu'on vient de prendre pour elle, là. Oui, bah, elle veut pas donner son mail à l'antenne, donc faut que tu le prennes hors antenne, ou le stagiaire. Enfin, peu importe, un des deux, quoi. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Arnaud, bonne chance. Tiens-nous au courant pour, comment ça va se passer, hein. Ouais, c'est pas de problème, je me tiendrai au courant, genre sur Facebook ou un truc comme ça. Eh ben parfait, bah je compte sur toi, c'est impeccable. Bon ben merci à toi, salut à toi, à bientôt hein. Ouais, je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y en speed là, vas-y. Ok, bah c'est une petite dédicace à mon meilleur pote Alexandre. Très bien, message passé, pas de problème. Salut, okay, salut merci. Allez, à bientôt. Salut, à bientôt, ciao. Bon, du coup Adrien, on a pas eu le temps de te prendre ce soir, mais on te prend demain, promis. Ok, ça marche, pas d'accord. Bah oui, parce que du coup ça a coupé là, on va parler avec toi demain, on parlera de quoi dans un instant? Ça marche. On parlera de quoi, pardon, demain, j'ai pardon. Parce que, si tu veux, en fait, moi, j'ai 21 ans et je viens de rencontrer une nana qui a 14 ans. Mais au début, quand je l'ai connue, bah, je savais pas qu'elle avait 14 ans. D'accord. Et je lui aurais jamais donné 14 ans. Et d'accord. Et non, bah... jamais sur cette Bon, Phil. Et bah, on en parle demain, Adrien, pas de problème. Ok, ça marche. Ça marche. Salut, Adrien, ciao. Ah, emmène-moi sur ton scooter, bon. On va avoir des problèmes. Il a démarré, il se barre, là. Restez sur Fun Radio, dernière ligne droite avec le top Twittos dans un instant, avec le générique également. Et puis je vous l'avais promis, on va se faire la version originale de No Good, là, de Fédé Legrand, qu'on vous passe sur Fun Radio. C'est Prodigy à l'écouter à l'époque, écoutez. Qu'est-ce qu'il est bon le son de Prodigy. Et ben voilà, comme ça pour ceux qui connaissent pas, la Prodigy à l'instant avec No Good, c'était la version originale de la chanson de Fédé Legrand qu'on vous passe sur Fun avec No Good également. Bruno qui dit c'est la tuerie ce son là, je suis plié avec vous, vous êtes trop grave, c'est Aspedi qui avait envoyé les messages. Et on va appeler maintenant le gagnant de GTA. Attention, GTA, on vous a offert 3 ce soir là, c'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, elle repart avec le jeu là, c'est parti, je démarre la caisse là moi personnellement. J'ai un gros moulin. Allô. Oui, allô, bonjour. Comment tu t'appelles? Vous Cindy. Cindy, ouais, deux meufs ce soir, ça Ouf. Ça va Cindy, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio là. Ah, super. Je t'appelle pour te filer GTA. Eh ben GTA 5. Ah, mais c'est super ça. Voilà. Eh ben il est pour toi GTA 5. C'est pour toi, c'est pour ton mec. Ah, c'est pour mon copain. Ah, il me semblait bien, d'accord, ok. Bon, ben bah, merci. Là, c'est moi, il est content. Ah bah tu m'étonnes, effectivement, tu m'étonnes qu'il est content. Bah si tu veux, on peut lui envoyer aussi le GTAT, hein, c'est le GTA Tof. Voilà, c'est ça quoi, c'est un drame. Ben un grand merci. Bah écoute, avec plaisir, y a pas de problème. Je te fais des gros bisous en tout cas, tu restes sur standard, on va prendre toutes tes coordonnées, d'accord? Merci, bisous. Salut, je t'embrasse, à bientôt. Salut, bah voilà. Oui. Et bah voilà, et le top Twitto ce soir, vite fait avant de partir, Tof. Alors numéro 5, Debuche. Debuche, ah ouais, le top Twitto, c'est donc c'est les auditeurs les plus influents sur le avec le hashtag Mickaël sur Twitter. Alors bon, salut Debuche, le nouveau alors. Ah voilà, ensuite on a Jules Verdeny aussi. Ah, je croyais que c'était Jules Verne. Très vieux, je me dis putain. Bon, on avait jamais eu dans le top tweet. Ah, Jules Verne, non, c'est sûr. Ouais, Jules Verdeny non plus. D'accord. Ensuite, on a Dams Netric. Ouais. Qui, pareil, on n'avait jamais eu non plus. Très bien. Ensuite, on a Sportfoot 950, qu'on n'avait jamais eu non plus. Ah putain, c'est tout des nouveaux là ce soir, c'est bien. Non, là. Mais non. Ah, mais non, après, reste le numéro 1. Évidemment. Let's be freaks. Eh ouais, let's be freaks. Bravo à elle, comme d'habitude. Bon, ben merci en tout cas d'avoir été là ce soir. On remet en jeu demain soir le top tweetos, bien sûr, à partir de 23h. J'essaierai peut-être de vous gratter encore un ou deux GTA, mais c'est vraiment pas sûr, hein, parce que c'était chaud de les avoir. Donc déjà, j'en avais qu'un seul à filer, j'en ai filé trois, donc je vais me démerder. Mais on va voir demain. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. De rien. Merci de nous avoir tapé en top tweet toute la soirée, alors qu'on n'avait rien demandé. Bon, c'est gentil à vous. En tout cas, ça fait plaisir. Ça veut dire que ça se passe bien, même devant GTA, on a été. On donc, voilà. Désolé pour GTA. On est toujours devant GTA. C'est vrai, mais désolé pour GTA, hein, vraiment désolé. Et puis on se retrouve nous demain à partir de 23h. Excellente nuit tout le monde. Et profitez bien en rencard demain, donc dès 23h sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, KKL, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et ouais, et on va continuer, enfin on va continuer, nous on va se barrer, hein, mais bon, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il travaille, quoi. Salut les gars. Ça va? Allez, à un moment on a cru que t'étais viré, comme t'es venu qu'une semaine et qu'après on t'a plus vu. Je me suis dit merde, il le s'est fait déj. Le gosse de la nuit. Vous savez que j'ai fait votre pub dans toute la France. Monsieur, merci. Monsieur, qui êtes-vous? Je ne sais vous pas qui vous êtes là. Je m'appelle Jean-Baptiste. Ah Jean-Baptiste. Ah merde, putain, ils ont raté la direction d'antenne de Fun là. Jean-Baptiste, pas très rock'n'roll là. Ah, JB quoi. Ouais, JB qui ça sera avec vous jusqu'à 6h sur Fun Radio ce matin, jusqu'à l'arrivée de Bruno. Voilà. Qui sera en pleine forme. Ah bah comme toujours. On va bah, offrir, ouais. On va offrir même des apparts. Waouh. Ah ouais, prochaine. D'accord. Bah ouais, j'ai l'air con avec mon GTA 5. J'ai l'air quand même bien con avec mon jeu là. Ah ouais. Bah tu vois, c'est ça Bruno, c'est ouais, j'offre un appart mec. L'Amérique. Voilà. L'Amérique. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. Enfin bon. Bon ben en pleine forme ce soir, JB de retour donc qui est parti en vacances là. Non, j'ai fait une tournée pour Bruno, on a offert justement 1000 euros par jour ouais, tous les matins chez Bruno. Que je dis, t'es parti en vacances quoi. Et vous savez que j'ai quand même fait votre pub? Non. Je suis parti avec plein d'autocollants, Mickaël. On en a distribué dans toute la France. Ah, ça, ça merci, fait plaisir, ça. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Très bien. Et Mickaël. Il en a collé dans toutes ses chambres d'hôtel. C'est ça, ouais. Exactement. Bon, ben, en tout cas, merci à vous toutes et tous d'avoir été là ce soir sur Facebook, sur le Twitter, sur l'Instagram également. Et j'allais oublier, ne pas partir sans mettre le générique. Ah. Bon. Yes. Alors. Ça t'avait manqué, hein. Est-ce que, oui. J'ai oublié. Alors attention, tu vois, on ne change pas une équipe qui gagne. Attention, c'est bon, Polo a déjà pris le pipeau. Je suis chaud. C'est parti, 3, 4. Ferme ta gueule de mer, toi l'enculé. Tu te sucer, toi l'enculé. Un enculé, encule ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de mer, toi l'enculé. Regarde, c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger, y'a pas encule ton nom toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? T'as pas pété? Ah oui. Il n'avait pas assez. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah t'as pas pété. C'est normal, c'est un belge. Mais bah, arrête ton cinéma là, qu'est-ce qu'il y a avec les belges là? Non, c'est pas ça, il est crade. Toi l'enculé. De quoi? Il est crade. Oui, oui, ça, oui, ça. Attention, refrain. Ferme la gueule de merde, toi l'enculé. Toi l'enculé, t'as et toi ton nom, c'est enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ça, voilà, en toute simplicité. Bon, bah, bonne nuit maintenant. Hein. Je pense qu'il est prêt, JB, pour démarrer jusqu'à 6h du mat cette nuit. Sans plus, bon, plus. La pêche. Et on a tout chauffé là. Exact. Ah, il est... La place est bien chaude. Chauffeur de salle. Il est totalement chaud, effectivement. Par contre, je suis désolé pour l'odeur. Oui, bien évidemment, forcément. Bon, bah, bonne nuit tout le monde, en tout cas. Et rencard demain à partir de 23h. J'ai presque oublié l'horaire, dis donc. Hein, c'est pour te dire. On travaille, dis donc. Voilà, c'est ça. Rencard demain dès 23h. Et puis n'oubliez pas, demain, on a rendez-vous avec le boss. Hein, s'il n'annule pas comme la semaine dernière, comme je dis, je pense qu'il a eu peur de nous. On mettra les photos sur le Facebook de l'émission, là, Facebook et Twitter, évidemment. Comme ça, on vous présentera le grand patron. Voilà. Et comme je le dis, Jérôme, si tu nous écoutes, demain on va te saigner. En termes de bouffe, bien évidemment. Parce que j'espère qu'il a payé à manger. Avec notre bol, on va voir qu'un coca. Oh non, écoute, non. On verra. Il est généreux, on verra. C'est un patron. Hein. C'est ce que j'ai entendu dire. Ce serait dommage que Jérôme nous déçoive. Oui. Hein, voilà, ce serait vraiment malheureux, quoi. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Rencard demain dès 23h. Et c'est JB avec quoi au programme ce soir? Bah, d'abord, c'est un super président. C'est un super directeur, Jérôme. Je l'adore. Et quel susbite. Tu le remercies pour la place qu'il t'a donné, la chance qu'il t'a permis d'avoir de travailler sur Fun. Non mais t'as raison, franchement t'as raison. C'est important, vraiment, on pouvait pas espérer mieux et je suis très fier de travailler pour lui. T'as raison, franchement, t'as raison. Tu sais quoi, je placerai un mot demain. Si jamais on il a pas entendu. On lui dira combien est-ce que tu fais la nuit. Exactement, ouais. J'adore, vraiment, Jérôme, très beau prénom. Et voilà. J'adore. Très bien, non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, ben, je placerai le message. Hein. On va écouter Martin Garrix. Ça, c'est très très bon choix encore. Ça doit être Jérôme qui est rentré. Non, mais certainement en plus, c'est ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, alors, ça, Sébastien Ingrosso. Ça, c'est une nouveauté. Curie aussi. C'est Jérôme qui a mis. C'est Jérôme qui a mis. Bah, franchement, très bon choix. Je crois parce que c'est j'adore. Un pote à Jérôme, le mec. Ouais, ouais, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, bah, Sébastien Ingrosso, alors aussi. On se fait reload. C'est le cousin, je pense. Et c'est une dédicace pour Jérôme. Très bien, parfait. D'ailleurs, c'est lui qui vient d'envoyer un message pour demander le titre, c'est ça? Daddy Fun, big up. Parfait, très bien. Allez hop, c'est la seule Daddy Fun de la soirée, enfin de la nuit là. Reload. Allez, bah bonne nuit JB jusqu'à 6h avec Bruno tout à l'heure là. Puis Anso à 9h, etc. Etc. Bien sûr, Dario l'après-midi. Et puis le Vin Fun à partir de 20h. Et nous en direct dès 23h sur Fun Radio. Ciao. Bisous. Allez, bisous, ciao.